Je vais vous demander de bien vouloir prendre place et je vais procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino, présent. Olivier Tarabella, présent. Elham Chahir, Édouard De Noël, Émilie Trigo, présent. Vassin Doucissé, John G. Biro, Cédric Pape, présent. Yasmina Sadoud, présent. Shoki Haddad, présent. Edith Félix, présent. Brahim Akour a donné pouvoir à Elham Chahir, Merlan Georges, Grégoire de la Gannerie, Anne Gervan a donné pouvoir à Amit Chahir, Brigitte de la Perelle a donné pouvoir à Anne de Rugy, Daouda Keïta arrive, Jean-Claude Oliva a donné pouvoir à Edith Félix, Valérie Bi a donné pouvoir à John Jibiro, Yala Dindino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin a donné pouvoir à Edouard de Noël, Ndaï Mariam Diop, Kaline Tribic, Amit Chahir, Mamadou Sila m'a donné pouvoir, Manon Chrétien arrive, Issen Ounissi arrive, Zora Kelly a donné pouvoir, Grégoire de la Gannerie, Mona Bellil, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, Laurent Jamais a donné pouvoir, Mohamed Jenan, Angéline Desbordes-Silly, Claire Laurence a donné pouvoir, Pierre Vionnet, Solène Le Bourris, Jules Rag. Ce conseil municipal, je vais donner la parole à Émilie Trigo. Peut-être, merci. Bonjour à toutes et à tous. En préalable de ce conseil municipal, il me semble important de prendre la parole, comme nous l'étions collectivement promis lors du dernier conseil municipal. En effet, faisant déjà suite à plus de 2 ans et demi de dénonciations anonymes, dont on appréciera la délicatesse et le courage de la méthode, dans cette enceinte, se sont permis de bafouer la présomption d'innocence et le pouvoir de notre justice en considérant comme coupable quelqu'un qui n'avait pas encore été jugé. J'avais alors proposé que l'on sache raison garder et que l'on attende aujourd'hui pour se prononcer. Nous y voilà donc, et la justice a tranché. Non coupable. Non coupable pour le maire, mais aussi pour les 2 anciens agents de la collectivité qui étaient eux aussi injustement accusés. Non coupable, ce qui permet de mettre enfin un stop à ces presque 3 années d'attentisme nauséabond de la part de certaines et certains, et ceux qui ici pensaient en profiter pour faire un poupouch interne seront bien désolés de la situation. Non coupable, c'est un soulagement pour notre ville et ses habitants qui peuvent se targuer d'avoir un maire intègre qui sera allé défendre sa position devant les juges. Non coupable, c'est la preuve qu'il fallait certainement savoir se retenir il y a quelques semaines et attendre, comme je le préconisais, la date prévue du rendu du jugement plutôt que de se fourvoir dans ses propos. Non coupable enfin, et cela confirmé par le procureur de la République qui a pris acte et n'a même pas fait appel de cette décision de justice. Non coupable donc, que chacune et chacun en prenne acte et prenne ses responsabilités vis-à-vis de ses anciennes prises de parole, que celles et ceux qui demandent ici ou là que les relations entre élus et ou militants soient sereines en prennent acte aussi et commencent par eux-mêmes dans cette enceinte, dans la rue et sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Grégoire de la Gannerie. Oui, merci, monsieur le maire. Je vais prendre la parole quelques instants, car depuis que je suis élu, je ne me suis jamais exprimé sur ce sujet. J'attendais que la lumière soit faite sur cette machination. Et maintenant que c'est chose faite, je vais dire un mot, et il concerne ma délégation. Je suis en charge de la santé à la ville de Bagnolet. Nous construisons la santé pour tous au quotidien avec le centre municipal de santé, la mutuelle communale. Mais la santé pour tous signifie aussi respecter la santé de chacune et chacun. Or, je suis extrêmement choqué et inquiet de découvrir qu'une partie des fausses accusations dans cette affaire ont reposé sur le statut médical d'une femme, de cette ancienne agente injustement accusée. Extrêmement choqué que sur les bancs de l'opposition, dans ce conseil, on ait pu faire des allusions à elle pendant 2 longues années en bafouant non seulement son droit à la santé, c'est-à-dire au repos élémentaire auquel a le droit une femme enceinte, mais ensuite en perturbant sa santé par un stress durable pendant 2 années de fausses accusations. On ne joue pas avec la santé des gens, vous en portez une part de responsabilité. Merci, monsieur le maire. Merci, Grégoire. Kaline Tribic. Bonsoir. En tant qu'élu aux droits des femmes, j'aimerais souligner d'une part la violence des attaques orchestrées qu'a subi l'agent de la ville dont nous parlons ici, et d'autre part la droiture sans faille de Tony Di Martino lors de ce triste épisode. Violence à l'encontre d'une mère de famille, diplômée et parfaitement légitime au poste qu'elle occupait, en arrêt maladie et en congé maternité, qui ne souhaitait qu'une chose, reprendre son activité professionnelle, et se voit soudainement accusée sur la place publique d'occuper un emploi fictif, le tout savamment relayé dans la presse. Une grossesse, un accouchement ou encore la santé d'une femme ne sont ni des sciences exactes, ni destinées à être jugées par tout un chacun. Qui, hormis un médecin prescrivant un arrêt de travail, peut prétendre savoir ce qui est vrai ou non? Qui ose et a osé en juger publiquement? Certains, déçus, s'en offusqueront peut-être, mais on ne licencie pas quelqu'un en arrêt maladie ni en congé maternité. Cela relève simplement de la loi. Tony Di Martino s'est vu jeté en pâture et traîné dans la boue pendant plus de 2 ans, accusé d'un emploi fictif qui aurait été dans son propre intérêt. La justice a tranché, il n'en est rien. Il s'est au contraire montré, en dépit de toutes les attaques et pressions, respectueux de la loi, protecteur du droit du travail, de surcroît du travail d'une femme. Anne Dorigi. Oui, merci, monsieur le maire. La justice a parlé, enfin. Enfin, nous sortons des rumeurs et des accusations sans fondement qui, malheureusement, remplacent trop souvent le sain débat politique à Bagnolet. Dans ces affaires, il y avait des dénonciations calomnieuses, des mensonges, des confusions, démontées les unes après les autres par la justice, qui a conclu à la relaxe des mises en accusation. Plusieurs choses ont été dites et, bien sûr, je m'associe au soutien apporté aux 3 relaxés. Mais maintenant que la justice s'est prononcée, je voudrais, après Kalin Trivitch, revenir sur l'accusation d'emploi fictif en faire une jeune femme de Bagnolet. C'est une accusation grave, car des emplois fictifs dans les collectivités locales, territoriales, nationales et même européennes, il y en a eu. Et il est normal que la justice s'en saisisse. Quand, par exemple, des employés de ces communautés détournent leur activité au bénéfice des partis politiques. On se souvient de l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, qui, à ma connaissance, ne s'est pas conclue par une relaxe. Mais ici, de quoi s'agit-il? D'un emploi de chargée de mission, occupé par une jeune femme diplômée, titulaire d'un master de droit. Je le redis ici, car la disqualification est facile et va vite avec la rumeur, et on sait tous qu'un master de droit conclut une trajectoire d'études difficile et sélective. Cette jeune femme a effectivement été absente pendant une certaine durée de son contrat. Absente pourquoi? Pour congé maternité, pour un congé maladie. Comme cela a été dit, les congés maladie sont une des grandes conquêtes du droit du travail. Être absente pour un congé maladie, pour une grossesse dite pathologique, pour un congé maternité, pour un congé de longue durée, cela a pu nous arriver à toutes ou est susceptible de nous arriver. Considérer qu'il s'agit d'une défaillance coupable est, pour qui connaît les aléas de la grossesse et de l'enfantement, tout bonnement scandaleux. Le droit des femmes n'est pas un droit à géométrie variable, il s'applique aussi à la mairie de Bagnolet, et quand une femme est ainsi accusée à tort, au mépris du droit du travail, ce sont toutes les femmes qui sont attaquées et fragilisées. La justice a fait son travail, les arguments fallacieux ont été démontés les uns après les autres. Mais ce que la justice n'a pas fait et ne fera jamais, car le mal est fait, c'est effacer le stress, la stigmatisation injuste et la disqualification de cette jeune femme provoquée par cette fausse accusation. Prenons-en de la graine, ne bafouons pas à la légère le principe de présomption d'innocence et devant les rumeurs de la ville, parlons fait étayé, principe et droit. Merci. Cédric Pape. Oui, bonsoir à toutes et à tous, chers collègues. Alors, je vais éviter de redire ce qu'ont dit mes collègues, comme ça, ça enrichira le débat. J'ai pris le temps cet après-midi sur mon lieu de travail pour revoir le dernier conseil municipal en vidéo. Tout compte fait, c'est toujours mieux qu'un minute. Et j'ai pu relever pêle-mêle certaines interventions, notamment de 2 conseillers municipaux de l'opposition. Je pense qu'ils s'y retrouveront. Et j'ouvre les guillemets. Votre ADN est l'opacité. Honte pour la démocratie. Extrémisme. Populisme. Discrédit. Et il y en a pendant à peu près 4-5 minutes. Avec en conclusion, nous ne sommes pas juges. Donc là, je cite Pierre Vionnet qui se reconnaît, j'imagine. Nous ne sommes pas juges. Ce conseil municipal a perdu toute légitimité pour représenter les Bagnoletais et gérer la ville. Alors déjà, que faites-vous là? Déjà, que faites-vous là? Vous auriez dû être absent, tout compte fait, si effectivement ce conseil municipal avait perdu toute sa légitimité. Mais heureusement, vous n'êtes pas juge. Vous avez délibérément transformé ce conseil municipal en tribunal populaire ce soir-là. Ça fait 7 ans que je suis élu. Ça fait 7 ans que j'ai la chance que les Bagnoletais et les Bagnoletaises, en majorité, aient donné la confiance à la liste soutenue par Tony Di Martino et indirectement que je sois élu maire adjoint. Ça a été le conseil municipal le plus délétère que j'ai connu. Et il y en a eu des durs. Oui, il y en a eu des durs. Il y a eu des sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. C'est vrai. Et je pense que nous ne tomberons jamais d'accord sur certains sujets. Mais de là à vous transformer, notamment les 2 conseils municipaux, en inquisiteurs, à juger avant le tribunal. Mais je crois que ce jour-là, vous avez perdu un peu les pédales. Donc vous êtes transformé en 2 Torquemadas. Au lieu d'attendre le verdict de la justice française, vous avez décidé de ne plus participer au vote de délibération. Je ne l'avais jamais vu. D'ailleurs, c'est assez étonnant, voire peut-être un peu absurde. Donc vous jouez la politique de la chaise vide tout en étant présent. Étrange. Et ce soir-là, tout compte fait, c'est votre choix de venir et de ne pas voter, et de ne pas délibérer, mais juste de jeter votre venin. Mais ce soir-là, il y avait certainement une délibération qui est certainement la plus importante de ce mandat, qui était portée, j'imagine, par toute la gauche. Vous voyez très bien de quoi je voulais parler. De la mutuelle de santé communale. Je pense qu'on pouvait tous se retrouver derrière cette délibération qui était extrêmement importante, portée par un collègue de façon très transparente et sérieuse et qui était là pour protéger les Bagnoletais les plus fragiles. Et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Ça sert à ça, une mutuelle de santé communale, comme à Montreuil, où Solène a rappelé à juste titre qu'il l'avait installée depuis déjà un certain temps. Et je suis sûr que tous les gens de gauche soutiennent cette délibération et ce vote. Mais ce vote-là, ce jour-là, vous l'avez loupé. Et vous n'êtes même pas remis en question. Est-ce que je suis vraiment de gauche? Est-ce que je peux oublier mon rôle d'inquisiteur? Est-ce que je peux voter quand même cette mutuelle de santé communale? J'ai bien vu dans certains le regard un peu inquiet. Je loupe un vote important. Ben, vous l'avez loupé. Vous l'avez loupé parce que vous êtes pris pour des juges alors que vous êtes, et c'est déjà très bien, des conseils municipaux d'opposition. Donc, au final, vous n'avez pas voté la création de la mutuelle de santé communale, qui est un marqueur de gauche pour nous tous. Votre colère, à mon avis, vous a aveuglé. Vous avez préféré prioriser une tactique politicienne plutôt que d'aider les Bagnoletais les plus fragiles. Vous avez commis, à mes yeux, une faute politique qui, pour le coup, comme vous le disiez à l'époque, vous discrédite. Chouki Haddad. Merci, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, chers collègues. Je souhaiterais pour ma part apporter quelques éléments d'information rapides et sans polémique au sujet de cette affaire. Au-delà d'être choqué, et il y a de quoi, au vu de la situation, je trouve désolant et très regrettable que l'opposition ait eu un rôle majeur dans le cadre de cette affaire, à l'occasion des dernières élections municipales de 2020, mais également à l'occasion, depuis le début de ce mandat. Vous avez donné du crédit à ces mensonges, vous avez donné du crédit à ces calomnies, et cela malgré le fait que vous avez totalement conscience qu'il s'agissait d'une femme enceinte, au mépris des conséquences que cela aurait pu avoir pour sa grossesse. Je rappelle, à titre informatif, que cet agent de la fonction publique, cette femme injustement accusée, était déjà en arrêt de travail pour grossesse pathologique et que son arrêt de travail n'a pas été établi par un médecin de famille, mais par un hôpital. Et pour mieux illustrer mes propos, et pour compléter aussi ceux de mes collègues élus, en particulier ma collègue Kaline Tribitch, sachez que 20% des femmes, chaque année, 20% des femmes ont des grossesses pathologiques. 20%. C'est-à-dire des grossesses à haut risque, induisant des arrêts maladie pouvant parfois être très longs, très longs. Pourtant, de façon inédite et totalement abjecte, une seule femme a été poursuivie pour cela, une seule. Et ça s'est passé à Bagnolet, dans notre ville. Et sous couvert de votre relais politique, chers collègues élus d'opposition, c'est vous qui avez donné corps à cette pseudo-affaire. Je vous laisse aujourd'hui à votre conscience et à votre lourde, très lourde part de responsabilité dans cette affaire. Et je conclurai en signalant que vous n'avez jamais eu un mot compatissant à l'égard de Monsieur le maire, jamais à l'égard de l'ancien directeur général des services, et surtout et en particulier, jamais, jamais à l'égard de cet agent, à l'égard de cette femme injustement accusée, ayant subi de graves conséquences. Je suis indigné par votre comportement, par le comportement d'élus de la République que vous êtes, des élus prétendument humanistes, des élus prétendument féministes, des élus prétendument de gauche. Alors, j'espère que des excuses publiques seront faites par nos chers collègues élus d'opposition, en direction du maire et aussi en direction de ces deux agents, même si pour cela je ne me fais aucune illusion. Et enfin, je profite de l'occasion pour rappeler à nos chers collègues élus de l'opposition que la journée du 25 novembre à venir est une journée spéciale. Et elle est spéciale en matière de lutte face aux violences faites aux femmes. Et donc en particulier une journée importante en matière de lutte contre le harcèlement subi par les femmes. Ce serait donc pour vous le meilleur moment de publier vos excuses, en particulier en direction de cet agent, en direction de cette femme, en direction de cette maman qui a lourdement subi les conséquences de cette affaire et de manière totalement injuste. Je vous remercie. Édouard de Noël. Alors, si les interventions s'enchaînent, c'est bien à la hauteur de ce qui a pu se passer dans cette enceinte. Et pas qu'au cours du dernier conseil municipal, mais bien depuis le premier. Depuis le premier conseil municipal, sur ces bancs en face de nous, on a entendu qu'on aurait acheté des voix, sans aucun fondement. On a été accusé de voyoucratie, sans aucun fondement. À chaque conseil, le ton montait, et ça a continué. Madame Desbordes-Silly, vous avez parlé d'une ville à feu et à sang. Moi aussi, j'écoute les minutes du conseil municipal. Et ça a continué. Et donc, effectivement, le paroxysme est arrivé au dernier conseil municipal en parlant d'illégitimité et en condamnant, de facto, par vos mots, un homme qui était innocent, trois personnes innocentes, le maire et deux anciens agents. Le but du jeu maintenant, c'est que cette ambiance délétère prenne fin ici, dans ce conseil municipal et dehors, parce que vous abîmez l'image de la ville au préjudice de tous. Et je pense que Bagnolet vaut mieux que ça, et on le pense collectivement. On ne peut pas transformer le conseil municipal en ring de boxe où tous les coups sont permis, surtout ceux qui viennent frapper en dessous de la ceinture avec des allusions sempiternelles et qui reviennent. Et surtout pour une raison simple, c'est que ça se fait au préjudice des politiques publiques qu'on doit mener collectivement. On ne parle pas dans ce conseil municipal suffisamment de la vie des Bagnoletaises, de la vie des Bagnoletais, de la vie chère du service public, de la cantine. J'imagine qu'on en reparlera. Donc ayons des controverses saines, basées sur des faits réels. On sera souvent en désaccord, soit on sera parfois en accord. Mais les défis auxquels on doit faire face, crise écologique, crise énergétique, désengagement financier de l'État, priorité à l'école, à la santé, ne doivent pas être mis sous le tapis pour passer après une fake news à la suivante, sempiternellement. On va vous donner la parole, madame. Parce qu'on n'a pas de demande de prise de parole, mais on vous répondra, Édouard de Noël va vous répondre. Et le but du jeu aujourd'hui, c'est de cesser de se faire traîner dans la boue et que demain, on puisse parler de vrais enjeux. Je vous remercie. Madame Desbordes-Silly. Bon, merci de me donner la parole. Plus personne n'a quelque chose à dire. Alors, moi, je vais faire court. Peut-être que mes collègues prendront la parole après, puisque tout le monde a envie de s'exprimer sur cette histoire. Effectivement, vous avez été innocenté par la justice. Nous nous sommes exprimés groupe en tant que groupe à la suite de votre relax. La justice a parlé, nous sommes dans un état de droit démocratique et nous prenons acte et nous avons pleinement confiance aux institutions de la République. Il n'en demeure pas moins que vous avez été mis en examen, que le procureur de la République avait requis contre vous une peine de prison. Je ne vous ai pas coupé la parole, permettez-moi de poursuivre. C'est paradoxal. Est-ce que je vous ai interrompu? Est-ce que j'ai interrompu l'un d'entre vous? Est-ce qu'on peut avoir un peu de débat dans cet hémicycle? Bien. Le procureur de la République, je disais, a requis un an de prison avec sursis contre vous. Et j'aimerais quand même rappeler une chose ici, puisque depuis tout à l'heure, on a l'impression que cette procédure judiciaire viendrait de l'opposition municipale. Je crois qu'il est important de rappeler que cette procédure judiciaire a été déclenchée par un de vos anciens chefs de cabinet, que nous sommes totalement étrangers à cette procédure judiciaire. Ça vient de chez vous, ça vient de chez vous. Voilà. C'est important de le dire parce que vous répondez en calomnie, nous sommes totalement étrangers à cette affaire. Totalement étrangers, ça c'est le premier élément. Ensuite, je ne retire rien à ce qui a été dit lors du dernier conseil municipal. Je ne retire pas un mot. Ce que nous avons dit, c'est que vous faites partie, monsieur le maire, des 3% de maires qui ont fait l'objet d'une poursuite judiciaire. 3%. Je crois que le chiffre parle de lui-même. Et qu'est-ce que nous avons demandé? Qu'est-ce que j'ai demandé, Cédric Pape, puisque vous avez réécouté les vidéos et c'est très bien. Nous avons simplement demandé que vous mettiez les pratiques en accord avec la charte anticorps que vous avez signée en 2014 et qui demande, je vous renvoie à la charte éthique et déontologique d'anticorps qui traite des mairies, eh bien, qui recommande la suspension des élus le temps du verdict. Nous vous avons demandé une mise en retrait le temps du verdict. Nous n'avons pas demandé de démission, puisque la démission, nous vous l'aurions demandé en cas de condamnation, ce qui n'est pas le cas. Donc nous ne retirons rien à ce que... Il s'agit de déontologie, il s'agit d'éthique. D'ailleurs, dites-nous où en est la nomination du déontologue. Non, nous ne prononcerons pas d'excuses publiques. Et enfin, pour terminer, alors je m'exprime en tant que femme. J'ai toujours beaucoup de mal à entendre un homme parler de congés pathologiques que j'ai eu. Alors, et puis, est-ce que vous pourriez... J'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, là, dans la bouche d'hommes et de femmes, parler de maman. Est-ce qu'on pourrait... une bonne fois pour toutes, arrêter de définir les femmes en fonction de leur maternité ou de leur absence de maternité. C'est insupportable. Est-ce qu'on parle de papa? Non, mais c'est une blague, là. Non, c'est pas une blague. Personne n'a dit maman. Personne n'a dit maman. Donc, pas un mot. Donc, pas un mot à l'encontre de cet agent. Pas un mot. Pas un mot. Non, c'est une blague. Franchement, c'est une blague. Madame Desbordes-Silly seule, et on va conclure et on va s'arrêter là. Parce qu'on n'est pas devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Ça commence à se voir, là. Ça commence à se voir, quand même. Allez-y, madame. Qu'est-ce qui commence à se voir? Quoi? Cet acharnement envers cette personne. Acharnement contre qui? Je vous demande simplement d'arrêter de désigner les femmes comme des mères. Donc pas un mot. Rien. Madame Desbordes-Silly, quand on parlait de moi, vous avez quand même expliqué dans la rue à monsieur Pape que moi, on s'en foutait que je sois une mère parce que j'étais une élue, mais que les autres, il fallait prendre en considération leur rôle de mère. À un moment donné, il faut juste que vous soyez fidèle à vous-même. C'est tout ce qu'on vous demande. J'ai jamais dit ça, mais c'est même pas le sujet. J'ai terminé simplement. Madame en l'occurrence, on a aussi parlé d'elle comme professionnelle et bien d'autres choses, pas que comme mère. Madame Desbordes-Silly, seule, s'il vous plaît. Madame Desbordes-Silly, seule. Allez-y, Madame Desbordes-Silly. Ouais. Madame Le Bourris. S'il vous plaît, si on ne pouvait pas également ne pas me couper, parce que nous, on a été polis, courtois, on vous a écouté depuis le départ. On a vraiment l'impression que ce soir, là, pour le coup, c'est un peu notre procès. D'ailleurs, je m'excuse auprès du public, parce que vous n'étiez pas là pour ça, nous, on ne savait pas, on n'avait pas prévu ça non plus. Donc moi, je voudrais juste parler d'un point précis pour répondre à Monsieur Pape en ce qui concerne la mutuelle. Donc effectivement... nous ne l'avons pas voté, et je l'avais bien précisé, parce qu'il manquait quand même un élément clé à la délibération, à savoir le contrat. Je tiens à préciser que si vraiment je voulais retarder l'échéance de la mutuelle, j'aurais pu demander faire un recours à la préfecture. Parce que justement, non, mais si, parce que c'était marqué, j'ai relu, c'était bien marqué contrat. Vous me dites non, mais je l'ai relu. Si vous voulez, on peut mettre. Je vous ferai une photocopie. C'était indiqué. Donc, me dites pas non. Il manquait une pièce. Vous nous avez demandé de donner l'autorisation à Monsieur le maire de signer le contrat n'y figurait pas. Donc, vraiment, si vraiment on avait été, pas coopératif, j'aurais pu envoyer, oui, c'est peut-être drôle, hein, mais faire une demande de procédure auprès de la préfecture. Ensuite, Monsieur de Noël, je vous remercie pour les petites leçons de gauche que vous nous faites. Hier, je vous informe qu'hier, par exemple, à la Belle Maison, nous avions organisé avec le Parti communiste français une soirée sur les transports en commun, parce que vous n'êtes pas sans savoir, je vous le dis, qu'en ce moment, les transports en commun subissent une vraie crise. Et que, d'ailleurs, je vous invite tous à signer la pétition Stop Galère, parce que ça devient, nous, justement, habitants de Seine-Saint-Denis, nous sommes les plus impactés par cette crise des transports en commun que Madame Pécresse veut voter le 7 décembre prochain. Donc voilà, nous faisons, vous parliez de la mutuelle, nous avons aussi fait des débats là-dessus. Donc nous, on continue à mener des combats sur des vrais... des actes sociaux. Voilà, je vous remercie. Mais juste, Solène, juste pour vous dire que j'ai signé l'appel lancé par le Parti communiste d'Île-de-France sur la question des transports. Parce qu'il y a une tribune qui a été adressée au maire d'Île-de-France. Oui, mais voilà. Vous auriez pu participer à la soirée. J'aurais pu, mais j'ai déjà signé la tribune. Grégoire de la Gannerie. Et ensuite, Monsieur Vianney. Oui, vraiment très rapidement sur la mutuelle, puisque sur peut-être sur le recours, je laisserai Olivier peut-être si tu veux, mais en tout cas, et puis c'était très aimable de le rappeler devant mes enfants quand on s'est croisés dans la rue, que vous auriez pu mettre des bâtons dans les roues de cette mesure si vous aviez vraiment voulu. Mais juste pour dire sur les documents, en tout cas, vous auriez pu vous les procurer, puisque dans les commissions, ils avaient été présentés d'ailleurs par la personne qui nous a conseillé pour choisir. Donc en fait, voilà, je pense qu'il y avait peut-être un manque d'intérêt ou un manque de préparation qui a expliqué ce non-vote de la mutuelle municipale. Merci. Monsieur Vionnet. Oui, je serai très bref parce que ma collègue Angeline a dit à peu près tout ce que je pouvais dire. Donc juste très brièvement et pour avoir effectivement eu l'occasion de relire ce que nous avons pu dire les uns et les autres, je pense que nous n'avons rien à retirer à ce que nous avons dit. Parce que justement, nous nous sommes exprimés tout à fait prudemment sur ces questions-là, et que par rapport à ce qui est dit, nous n'avons jamais évoqué de rumeurs, de bruits. Non, il y a une lettre ouverte de Mme Pierre-Laurence en février 2020. Nous avons évoqué... Alors, déjà, quand je signale qu'on a eu droit à une espèce de petite chorale qui tournait de tout le monde qui disait son petit mot, et qu'aucun d'entre nous n'a interrompu... Aucun d'entre vous n'a fait de commentaire, n'a fait d'interruption. Et que depuis que nous prenons la parole, et je pense qu'en temps cumulé sur cette petite tournée, c'est beaucoup moins, nous sommes interrompus sans arrêt. Donc voilà, je pense qu'on a été tout à fait prudents sur ces affaires-là, qu'on n'a jamais, contrairement à d'autres, relayé je ne sais quelle rumeur, mais qu'on a évoqué des affaires, quand elles étaient en justice. Et nous avons fait le constat, et c'est un fait que depuis 2020, il y a plusieurs affaires judiciaires, il y a déjà eu plusieurs condamnations à ce jour d'élus de la majorité, et qu'il y a une succession d'affaires, et qu'effectivement, il y a un climat délétère. Et ce climat délétère, je pense que quand même, dans une mairie, le premier responsable, parce que c'est le premier responsable de la mairie, du climat qui y règne, de l'atmosphère entre les élus et de l'atmosphère dans la ville, c'est le maire. Et que l'attitude qu'on voit régulièrement vis-à-vis de l'opposition, vis-à-vis de la population, des choses qu'on voit encore sur les réseaux sociaux, et nous, on ne manipule pas, parce que vous avez déjà, au début de votre mandat, attaqué une de nos collègues en diffamation. Elle a gagné, d'ailleurs, Claire Laurence, pour ne pas la nommer. Et tous les jours... Il y a sur les réseaux sociaux des attaques infamantes. Si on voulait porter plainte, je pense qu'on ferait que ça, du matin au soir. Donc je pense que le climat délétère, il ne vient pas de l'opposition. Et puis dernière chose, les leçons de gauche, je pense qu'on va avoir un peu de mal à les entendre. Tout. Parce que y compris, je veux dire encore hier soir, et ils sont revenus ici, il y a des parents d'élèves qui sont effectivement furieux et... je fais très court parce que je préfère que ce soit eux qui s'expriment, notamment sur ce qui se passe en matière de restauration scolaire. Nous étions dans une ville, alors que beaucoup de villes avaient délégué à des sociétés privées de restauration leur cantine municipale. Nous étions dans une ville avec une vraie cuisine municipale, avec des cuisiniers, avec des gens qui produisent à partir de produits ici. Vous avez choisi de passer à un contrat Sodexo. Lors du conseil municipal où l'on a débattu de cela, les choses étaient très claires. Moi, j'avais lu l'intégralité du contrat. Tout ce qui se passe aujourd'hui apparaissait déjà dans le contrat. Les choses étaient très claires. Donc aujourd'hui, ce choix, qui est un choix d'anti-gauche, c'est vous qui devez l'assurer. Bon, ouais. Plusieurs fois par semaine à la cantine. En fait, Monsieur Vionnet, effectivement, chacun est responsable du climat dans cette ville, du climat politique, du climat tel qu'il est. J'ai ma part de responsabilité, mais vous êtes un des principaux acteurs du climat délétère de cette ville. Vous entendre, vous, parler de gauche, alors que vous avez été adhérent à En Marche. Pas simplement soutien, adhérent, puisque j'ai revu des responsables En Marche de l'époque qui tiennent à ma disposition les échanges internes à leur mouvement, mais on s'en fout. En fait, on s'en fout. Donc, que chacun balaye devant sa porte. Vous voulez qu'on fasse l'appartenance politique des uns et des autres ? Vous voulez qu'on fasse, qu'on joue à ce petit jeu, qu'on déterre les appartenances et les allégeances ? Qui était sur la liste de Marc Everton ? Allons-y. Oui, bien sûr. Et Laurent Jamais ? Laurent Jamais, on en parle ou pas ? Première adjoint. Mais vous étiez ancien directeur général administratif. Vous étiez son ancien directeur général administratif, Pierre Vionnet. S'il te plaît. Non, mais juste, c'est quand même indigne de la part d'élus, comme c'est quand même absolument. Si vous voulez indigne jouer à ce petit jeu, on va jouer, mais c'est totalement indigne de votre fonction. Totalement. Mais Madame Desbordes. Laurent Jamais, Pierre Vionnet. Madame Desbordes-Silly, on peut jouer au jeu. Non, mais Madame Desbordes-Silly, vous prétendez ne pas interrompre. On peut jouer au jeu. De qui a été dans quel parti. Moi, je suis membre du Parti socialiste depuis 1994. Je n'ai pas fait 3 partis en 3 ans, contrairement à vous. Donc, si vous voulez, à un moment donné, on peut donner des leçons. Mais cessez de calomnier. Mais arrêtez de Qu'est-ce couper que la vous parole. Connaissez de mes appartenances arrêtez de couper la parole. Arrêtez. Vous êtes membre de Génération, vous êtes membre de LV. Mais je ne suis pas membre de LV, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Vous êtes pathétique. Je suis pathétique. Donc, que chacun balaye devant sa porte, effectivement. Que chacun. Bah, vous avez des membres de LV dans votre majorité qui pourront vous dire que je ne suis pas membre de LV. Mais, et puis ça n'intéresse personne demain. Mais c'est vous qui parlez de l'appartenance politique des uns et des autres. Voilà, donc mais oui, je sais de quoi je parle. Mais aucun intérêt. Mais ne m'interrompez pas, vous avez expliqué qu'on ne vous interrompait pas. Donc que chacun balaye devant sa porte, effectivement le climat politique ne pourra être que plus serein dans cette ville, d'autant plus que si j'en crois ce que vous dites, nous sommes tous de gauche. C'est quand même une des particularités de ce conseil municipal, c'est qu'il n'y a que des gens de gauche autour de la table. Donc, voilà, soyons sereins, soyons détendus, ayons les débats que nous devons avoir, évitons les procès d'intention, évitons les délibérés en salle du conseil municipal avant que la justice les ait rendus, et tout le monde s'en portera mieux. Voilà, après... Monsieur Vionnet, relisez le matériel de campagne de votre liste pendant les élections municipales et vous pourrez constater qui a écrit quoi. Peu importe. Chocky, Monsieur Stalens, et peut-être après... juste une chose. Non. Il y a un ordre de parole, Monsieur Vionnet. Il y a un ordre de parole. Je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Vionnet. Prenons le temps de discuter sereinement. Alors, c'est quand même... Et après, on donnera la parole aux parents d'élèves. Exactement. Donc, c'est quand même assez surprenant. Alors, avant de répondre sur la forme de vos dernières interventions, je trouve quand même votre comportement particulièrement indigne. On a une femme qui a été injustement accusée. Et à ce jour, pourtant, je vous ai tendu la perche, mais aucun d'entre vous ne souhaite prendre la parole, ne serait-ce que pour avoir un mot... un minimum compatissant envers elle. Rien du tout. Donc, ça veut dire qu'en fait... Vous en foutez, concrètement. Donc ensuite, faire la diatribe de revenir sur les engagements politiques de certains, alors moi je vais le dire tranquillement, sans polémique, à côté de vous, sur votre gauche, monsieur Pierre Vionnet, siège monsieur Laurent Jamais, ancien premier adjoint, responsabilité à l'époque de Marc Everbeck. Vous, monsieur Pierre Vionnet, étiez son ancien directeur général administratif. Que ce soit clair, hein. C'est un emploi fonctionnel. Vous étiez censé déployer, et vous avez déployé la politique de Marc Everbeck, ainsi que de son ancien premier adjoint, qui siège aujourd'hui à votre gauche. Ça, c'est le premier élément. OK ? Ensuite, franchement, c'est vraiment ça, la politique de gauche prônée par le Parti communiste, prônée par la France insoumise, par Génération S, c'est vraiment ça ? Franchement, ça devient gênant, je vous le dis, ça devient gênant, et ça commence à se voir. Ça commence à se voir. Non, mais c'est vraiment, ça commence à se voir. Il faut arrêter d'avancer masqué. Dites clairement les choses. Soit vous êtes féministe, soit vous ne l'êtes pas. Ah oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Allez, non, monsieur Stalin, si on arrête là. Juste pour répondre rapidement, enfin, juste pour en aparté, pour vous répondre, monsieur Allade, vous avez reprécisé que monsieur Laurent Jamais était premier adjoint de Marc Everbeck. Vous avez été, il a abandonné son poste 2 ans avant les élections. Il a abandonné son poste. Ah non. Il a abandonné son poste. Monsieur Stalin. Non. Il a été élu jusqu'au bout. Monsieur Stalin seul. Dévisez un peu votre histoire. Monsieur Stalin seul. Allez-y. Donc juste voilà, il n'a eu de cesse en tout cas de dénoncer la politique menée par Marc Everbeck, ses erreurs et ses fautes politiques. Vous l'avez rejoint quand tout ça avait eu lieu, vous l'avez accompagné, vous avez même dirigé, je peux finir, même dirigé sa campagne. Et je voudrais juste en terminer maintenant sur un sujet, c'est en tout cas sur un mot qui a été utilisé tout à l'heure sur notre comportement par rapport à ces affaires. Le mot utilisé a été acharnement. Acharnement. Acharnement, c'est preuve de répétition et c'est preuve de volonté, de destruction. Nous ne sommes pas intervenus au moment de l'enquête. Nous ne sommes pas intervenus au moment de la mise en examen. Nous ne sommes intervenus qu'une seule fois au sein de ce Conseil, très officiellement, très politiquement, et un petit peu sur les réseaux pour relayer une parole commune au sein du groupe, une seule fois. Et vous parlez d'acharnement, mais c'est totalement symbolique. Symptomatique de la caricature que vous avez tous fait ce soir de la description de cette affaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Monsieur Stalin, sincèrement, on ne va pas épiloguer là-dessus. Je pense qu'on n'est pas dans la même ville. Je pense qu'on n'est pas dans la même salle du conseil municipal. Je pense que l'on ne lit pas les mêmes tracts de campagne que vous avez écrits. Voilà, donc, peu importe, on ne va pas parler éternellement du passé des uns des autres. Choquis rapidement, voilà, André Rugy va dire... Très rapidement, après, voilà, je pense qu'on va arrêter là parce que... Il y a tellement de mauvaise foi. Alors, sur la partie de l'ancien maire, Marc Everbeck. Alors, non, je ne l'ai pas rejoint. En fait, j'étais simplement candidat dans sa liste, et ça, je l'assume. Sauf qu'à côté de vous, vous avez des gens qui ont siégé lorsqu'il était aux responsabilités et qui ont appliqué sa politique. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand moi... Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Merci. Deuxième élément... Après, pour faire simple, moi, j'ai découvert le rapport d'audit financier vis-à-vis de la mauvaise gestion catastrophique du Parti communiste lorsqu'ils étaient aux responsabilités. Et je l'ai découvert en 2014-2015. Moi, je n'avais pas tous ces éléments-là. Donc ça, c'est quand même un élément très important à avoir en tête. Donc je n'étais pas aux responsabilités à ce moment-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je ne sais pas, il y a quand même Claire Laurence. Son nom est ici. Claire Laurence a quand même répondu dans les colonnes de Valeurs Actuelles sur cette affaire, en pleine période de campagne électorale. Non, mais vous dites que c'est la première fois que vous intervenez. Donc, quand même, voilà. Il faut se rappeler de tout ce qui a été fait. Merci. Allez, Anne de Rugy, rapidement. Je voudrais dire trois choses. La première chose, c'est que c'est quand même un peu Kafka. Vous êtes relaxé, mais vous êtes quand même coupable, car la justice a été saisie. Alors, je voudrais dire quand même que la même semaine... C'est ce que vous avez dit. 3% des maires... Ce que vous avez dit. C'est ce que j'ai entendu. Tout à fait. Je voudrais dire que la même semaine, un autre maire s'est trouvé dans la même situation. Poursuivi après un signalement de la Chambre régionale des comptes, soupçonné de favoritisme dans une affaire de marché public. Il se trouve que je le connais bien, donc c'est vrai que j'étais particulièrement sensible à sa relaxe par le tribunal correctionnel de Valence. Je ne le considère pas comme coupable. Deuxième chose, non, et je le redis ici, parce que c'est la deuxième fois que ça intervient dans le débat, non, je ne définis pas une femme par son statut de mère. Je n'ai d'ailleurs jamais employé, j'y fais très attention, donc j'y suis très sensible, je n'ai jamais employé, et je crois d'ailleurs que personne ici n'a employé le terme de « maman ». Non, personne n'a dit « maman ». Alors, ce n'est donc pas moi, et je continue. Non, on ne définit pas une femme par son statut de mère, mais néanmoins, là, il s'agit d'un congé maternité, je ne vois pas pourquoi j'irais chercher un autre terme. Et une autre fois, puisque vous nous invitez à des débats, eh bien, moi, je vous invite à un débat futur, à la librairie des Beaux Lendemains avec Fatima Alouassak, et là, on discutera de la mère comme sujet politique qui peut très bien être une femme sans enfant ou même être un homme. On en débattra. Donc, la mère n'est pas forcément la mère mariée avec quelques enfants. Un sujet politique, c'est autre chose. Je le dis parce que l'allusion est assez prenante. Et enfin, je reviens au sujet des transports qui m'intéresse. Donc, je n'avais pas eu vent de ce débat, et puis il est vrai qu'on ne peut pas assister à tous les débats. Mais il se trouve qu'au Conseil territorial Est Ensemble du 15 novembre, il y avait un vœu qui portait tout à fait la même chose, qui a été effectivement proposé par le groupe communiste, qui a été largement amendé par le groupe Écologie et Citoyenneté, qui a donné lieu à des interventions de tous les groupes et qui a été voté à l'unanimité, parce qu'effectivement, là je crois que ce n'est pas une affaire de parti politique, c'est une affaire de citoyens, de Paris et de banlieue particulièrement. Effectivement, la situation des transports en Île-de-France est vraiment alertante. L'absence, les attentes pour le bus, tout le monde est conscient qu'il y a un dysfonctionnement. Le maire a évidemment écrit à la présidente de région et à la présidente de mobilité Île-de-France. Donc oui, c'est un sujet qui nous préoccupe tous, mais malheureusement, d'abord, on n'a pas les clés de la région, et par ailleurs, comme il y a un manque de chauffeurs, c'est pas évident à pallier, mais c'est évident que ce sujet nous préoccupe et que nous pouvons travailler collectivement à faire pression pour essayer d'améliorer la situation. Et voilà, on peut en dire plus. Il va y avoir aussi des recrutements, un job dating à Bagnolet au sujet des recrutements dans les transports pour essayer, Patrice Bessac en a parlé justement à ce conseil de territoire, pour essayer de rapprocher demandeurs d'emploi d'un côté et offres d'emploi de l'autre côté. Donc oui, il y a un travail qui est fait. Oui, c'est un problème, mais je ne vois pas trop en fait pourquoi là on serait pris en défaut pour avoir été absent à un débat à la belle maison. Merci. Monsieur Vionnet, et on termine. Ça sera très court, c'est juste ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous disiez, vous parliez de la responsabilité du climat délétère. Justement, il me semble que vous pourriez vous mettre dans la posture du maire qui dit, a fortiori, voilà, de maire relaxé, je vais m'efforcer au rassemblement. Et le mot, ce mot de climat délétère n'était pas fini, que vous commenciez à ressortir, comme d'habitude, des vieilles histoires. Donc je pense que le fait que j'ai... Alors, je pense que tout le monde s'en fout qu'il y a plus de 10 ans, j'ai été cadre à la ville de Bagnolet. Les histoires que vous racontez, que machin vous aurait dit que j'étais marcheur, etc., je pense que tout le monde s'en fout aussi. Oui. Et donc, vous avez fait la démonstration, alors que, justement, le débat était en train de se finir et qu'il pouvait se finir sur un peu de sérénité et de rassemblement. Et là, c'est vous qui allez sortir les rumeurs, les vieilles histoires. Et on est reparti pour un tour. Je fais juste ce constat-là. Vous êtes formidable. Je n'ai qu'un mot. Vous êtes formidable. On va donner la parole à Monsieur Tenoz. Est-ce que vous voulez parler pour les parents d'élèves ? Ça n'était pas prévu, puisque je n'ai pas eu de demande de prise de parole. Mais allez-y. Allez-y. Qui souhaite parler pour les parents d'élèves ? Et Olivier Taravella vous répondra sur le volet de tarifs. On donne la parole au responsable local de LFI. Allez-y, Monsieur Sarviento. Donc Olivier répondra sur les tarifs et Edouard répondra sur le volet restauration. Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? J'ai dit quelque chose de mal ? Ah non, mais parce que, pardon, j'ai eu l'occasion de féliciter M. Sarmiento ce week-end pour son élection en tant que responsable de LFI Bagnolet. Donc il y a un niveau... Ah, je croyais qu'il... D'accord, pardon. Il paraît qu'il ne faut pas parler des mères, peut-être pas des pères non plus. Oui, bonsoir tout le monde. Je pense qu'effectivement... Je peux parler ? Allez-y, Rulio. Ouais, je pense qu'on peut continuer à jouer à la corrida, effectivement, ici. Je suis très content d'avoir passé 45 minutes, effectivement, à un petit peu revoir l'histoire de Bagnolet. de ses élus. Effectivement, de voir comment les uns et les autres sont plus à gauche que les autres, c'est très bien, en fait. Je me suis cru, à un moment donné, dans la controverse de Valladolid, en fait. Donc, c'est pas pour savoir qui a une âme ou pas, mais qui est plus à gauche de la gauche. Mais ça tombe très bien, parce qu'en fait, la question que je suis venu porter aujourd'hui au conseil municipal concerne justement, en fait, des problèmes sociaux qui se déroulent actuellement à Bagnolet. Donc, personne ici... je pense que tout le monde est au courant de la protestation des centaines de parents d'élèves. En fait, hier même, en fait, ici, il y avait une centaine de parents d'élèves devant la porte qui attendaient à être reçus, apparemment. Ça s'est fait naturellement, hein, ça n'a pas été organisé. Les gens sont venus, très bien, pour demander, effectivement, qu'on en reparle de ces problèmes, ne serait-ce que du prix de des prix de repas, effectivement, qui est maintenant, en fait, la classe moyenne de Bagnolet, une classe moyenne qui est sans doute très nombreuse, mais qui n'est pas non plus une classe très riche, paye plein pot, apparemment, 5,70 €. Bon, soit que ce soit le prix, mais la qualité ne suit pas. C'est une qualité qui veut peut-être 2 €, 1,5 €, au coût, hein, je ne dis pas le reste. C'est la mort, oui. Les enfants, j'étais content qu'hier, en fait, les enfants qui étaient là, en fait, ont d'eux-mêmes donné le message en disant... Parce qu'en fait, effectivement, il faut le dire qu'il y en avait qui tapaient très fort devant la vitre, donc on les a un peu calmés parce qu'on n'est pas non plus des sauvages. Et le gamin, il y en a un qui s'est retourné et qui m'a dit « C'est pas vous qui mangez de la merde, monsieur !» Alors là, et là, je me suis dit « Il y a quand même... Si les enfants disent ça, c'est qu'il y a quand même un vrai problème. Moi, j'ai des enfants aussi à l'école. Donc, la question posée est... Pourquoi on a pris dans un pays de gauche, puisqu'on est en fait dans un pays de gauche ici apparemment à Bagnolet, pourquoi on a pris Sodexo, en fait, cette entreprise internationale qu'en fait, qui ne fait pas du bien, en fait, les problèmes sont connus, pas qu'à Bagnolet d'ailleurs, en fait. Pourquoi on a pris Sodexo? Pourquoi on ne peut pas l'enlever? Pourquoi on ne peut pas renégocier ses prix à la baisse? Parce qu'en fait, on est peut-être en grande majorité une classe moyenne, mais c'est une classe moyenne qui n'est pas riche. Il y a beaucoup de parents qui apparemment viennent pleurer tous les jours parce qu'ils n'arrivent plus à payer, en fait, leurs factures, hein, que ce soit pour la cantine ou pour le reste. Donc, pourquoi, en fait, moi, je suis à Bagnolet depuis 40 ans, donc j'ai bien mangé à la cantine quand il y avait un cuisinier qui était, en fait, sur place et qui préparait tout cela. Je me demande aujourd'hui pourquoi en enlever, en fait. Pourquoi les gamins ne veulent plus manger? Pourquoi les gens qui goûtent ces repas disent que c'est dégueulasse? On a envie de savoir, en fait. Donc, je ne sais pas. Donc, on a envie qu'un jour, peut-être, puisqu'en fait, on est tous très à gauche et qu'on cherche pas son âme, mais on est encore plus à gauche, qu'on se serve un jour, peut-être, en fait, un jour qui n'est pas choisi, mais qu'on arrive, en fait, peut-être à la cantine et qu'on mange tous et qu'on soit, en fait, assez critique face à ce réel problème qui se pose aujourd'hui à Bagnolet. C'est un réel problème, donc il ne faut pas l'oublier. Je crois qu'il y a une émeute, quelque part, en fait, qui se prépare. Les parents d'élèves sont très mécontents, peut-être prêts à payer un peu plus, mais pour quelque chose de qualité, pour quelque chose que les enfants mangent. Il paraît qu'il y a plus de la moitié des fois qui part à la poubelle. Voilà, il faudra peut-être vérifier, mais il est clair qu'effectivement... D'accord, je vais terminer. Pardon. Non, mais enfin, après... Bah écoutez, j'y vais 2 fois par semaine dans les cantines. Tout ne part pas dans les... Madame Ducheux-Dagono, vous étiez avec moi à Langevin. Non, vous n'avez pas mangé. Vous n'avez pas voulu manger. Mais c'est faux. Vous êtes une menteuse, madame, c'est faux. On était à Langevin élémentaire ensemble. On était à Langevin élémentaire ensemble au printemps. Vous n'avez pas souhaité manger. Voilà un échantillon des parents qui sont très mécontents. Donc moi, je... Non. Monsieur Sarmiento, pourquoi vous m'avez laissé, madame? Mais vous me tirez. Attendez, je vais donner le micro. Je vais terminer. Je vais conclure, s'il vous plaît. Concluez et redonnez le micro à madame Falco, on va vous répondre. Oui, non, mais elle a voulu m'arracher le bras, donc c'est pas normal. Enfin, bref. Oui, mais je veux bien vous donner le micro, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, mais je vais vous le donner. C'est la controverse de Valladolid. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien l'histoire, monsieur le maire. Je suis là depuis plus de 40 ans. Je vous connais, vous m'avez marié, d'ailleurs. Donc, voyez-vous, j'étais très content. On avait fêté ça ce jour-là. Mais aujourd'hui, je viens pour demander à monsieur de Noël, en fait, très grand démocrate, ce qu'on a entendu ici, d'ailleurs, il s'exprime très bien, qui nous explique donc toutes ces questions et pourquoi, en fait, on est obligé aujourd'hui de manger à la table de Sodexo. Merci. On vous répond. Donc, Olivier, sur les tarifs et la procédure. Juste apporter une info complémentaire. On parle beaucoup des cantines parce que les enfants et les parents ont besoin de moyens de se fédérer. Mais vous livrez des repas à domicile qui sont d'une qualité encore plus médiocre. En tout cas, je vais le préciser, ça fait partie de la réponse que vous devez apporter. On ne parle pas que des cantines, on parle de l'intégralité des repas que vous livrez. Oui. Oui. D'accord. OK. OK. Voilà. On a compris, monsieur du POID. On a compris. Allez. Voilà. Pierre Lambert est mort, mais vous êtes là. Mais moi aussi. J'ai beaucoup admiré Pierre Lambert quand j'étais jeune. Mais vraiment. Je vous taquine. Olivier et Edouard. Non, non, moi, je suis très sérieux, mais on n'est pas un meeting du POID, monsieur Athénoz. Mais on va vous répondre. Mais on n'est pas un meeting du POID, pardon. Olivier Taravella et Edouard de Noël. Voilà, OK, t'as raison. Allez, ouais. Olivier et Edouard. Bonsoir à tous et à tous. Je vais répondre effectivement sur les tarifs, la procédure et le marché. Je laisserai Edouard répondre sur les menus et le quotidien, évidemment, dans sa délégation. Historiquement, la ville de Bagnolet, depuis les années 80, donc une cuisine centrale qui produit elle-même l'ensemble des repas pour les écoles et aussi effectivement pour le portage de repas. On a fait faire un audit il y a maintenant 2 ans de la cuisine centrale, parce qu'on avait un certain nombre de dysfonctionnements dans les passations de commandes, dans la gestion des différents lots, beaucoup de gaspillage, l'équivalent de 100 000 euros de denrées alimentaires par an. Et donc, on a essayé d'identifier quels étaient les problèmes. La première difficulté, c'est qu'il y avait une incapacité technique à gérer ce qu'était le fonctionnement historique de la cuisine, c'est-à-dire un marché avec une vingtaine de lots différents, une vingtaine de prestataires différents qui n'étaient pas mis en musique correctement, qui n'étaient pas traités correctement et qui faisaient qu'in fine, on avait régulièrement des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de gestion, des problèmes budgétaires dans la gestion comptable du service. Donc, on a voulu passer sur un système où on avait un seul prestataire, mais qui, encore une fois, est un prestataire qui fournit des denrées brutes à la cuisine centrale. L'intégralité des repas sont produits à la cuisine centrale comme ils l'étaient avant. Non, vous n'avez pas la parole. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Monsieur, soit vous vous taisez, soit je vous fais sortir. Voilà, soit vous... Monsieur, soit vous vous taisez, soit vous faites... Bon. Monsieur... Donc, monsieur, soit vous vous taisez, soit vous sortez. OK. Mais monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Redescendez. OK. Redescendez. Vous ne parlez pas sur ce ton. Ne me parlez pas sur ce ton. On vous répond. Madame. Mais je vais pas. Non, mais c'est deux choses différentes. Mais moi... Très bien, mais prouvez-le. Pas de problème. J'ai été vicié pendant des années. Je suis avec vous. Mais c'est faux. C'est faux. Olivier Tarabella et ensuite Édouard de Noël. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. OK ? Vous n'avez pas la parole. Olivier Tarabella, Édouard de Noël. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de problème. Personne ne dit ça. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de problème. Personne ne vous dit ça. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il y a une incompréhension. On voit Sodexo. Effectivement, on fait parfois un raccourci en pensant qu'aujourd'hui, Sodexo fournit directement des repas à la commune de Bagnolet. Si c'était le cas, ça aurait un grand avantage. On supprimerait la cuisine centrale, on supprimerait les 40 personnels qui correspondent au fonctionnement de la cuisine centrale. Ça ferait 1 million d'euros, 1 million et demi d'euros d'économie. Et ce serait très bien. Sauf que ce n'est pas le cas, parce que la cuisine centrale, effectivement, elle produit les repas. Oui, elle reçoit des produits surgelés. Le poisson, par exemple. Le poisson, il arrive forcément surgelé en restauration collective. Si ça a été votre métier ou si ça l'est encore, vous devez savoir qu'en restauration collective, le poisson, il arrive toujours surgelé, sauf si vous avez la chance d'habiter à Brest et que, effectivement, vous êtes au pied de la criée et que vous pouvez récupérer des produits qui sont directement sortis du bateau. Ça, c'est une réalité. Les légumes arrivent prédécoupés, non transformés, soit en surgélation, soit sous vide, selon les typologies. Ce sont des produits qui sont directement prélevés, découpés, mis sous vide ou en surgélation, et ensuite qui sont mis dans le circuit de distribution. Donc il n'y a aucune transformation du produit. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de sauce. C'est une fois... Attendez, madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, une fois à la cuisine centrale, ces produits sont transformés. Donc, je veux vraiment que... Enfin, non. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Non, j'aimerais mais en fait, ce n'est pas une réunion publique, c'est un conseil municipal. C'est un conseil municipal. Donc, on vous a donné la parole. Maintenant, on répond. J'aimerais que chacun comprenne bien que Sodexo, c'est strictement le prestataire de la ville pour fournir des denrées brutes. Des denrées brutes. C'est une centrale d'achat. C'est le seul rôle de Sodexo, c'est la centrale d'achat. Ensuite, il y a un rôle de conseil et d'accompagnement sur les repas avec leurs diététiciens, sur les menus en lien avec les services de la ville et sur la gestion administrative et comptable des stocks, de l'approvisionnement, etc. Mais qui est une gestion administrative, ce n'est pas la production des repas, ce n'est pas le fait de cuisiner. Donc ça, c'est le rôle de Sodexo et Sodexo ne fait que ça. Les repas de la cuisine centrale sont bien produits par les agents de la ville, de la cuisine centrale. Voilà, ça c'est un premier point, et je pense que c'est vraiment important, si on veut avancer dans, si on veut avancer dans cette discussion de manière précise, effectivement, factuelle, comme vous le souhaitez, et c'est normal, il faut qu'on soit au moins d'accord sur les faits, et de ce point de vue-là, voilà, c'est un fait indéniable, on a passé ce marché au conseil municipal, on a eu des désaccords sur la stratégie et que l'opposition, mais chacun a eu les documents du marché et a pu constater ce qu'était et ce qui n'était pas les missions du prestataire. Là-dessus, on est, je pense, M. Vénet, d'accord. Au moins sur les faits, à défaut du choix. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les tarifs. Justement, le marché décrivait très bien ce qu'on vit aujourd'hui. Le marché, on est d'accord que le marché ne dit pas que Sodexo fournit des plats préparés à la cuisine de Bagnolet. Au moins, on peut être d'accord là-dessus. On avait quand même voté contre, je le précise. Vous avez l'air de dire c'est qu'on pas la question que M. Stalin, c'est pas la question que je pose. C'est faux. En tout cas, vous venez de préciser. Vous n'avez pas la parole, Monsieur Stalin. Vous n'avez pas la parole. Donc, reviens. Et après, on démarrera le conseil municipal. J'en viens sur les tarifs. Sur les tarifs, on avait pris un engagement de faire une évaluation de la réforme qui était intervenue en 2019. On l'a fait. Un peu plus tard que prévu, parce que Covid faisant, évidemment, les choses ont pris plus de temps que prévu. Ce qui ressortait de cette réforme, c'est que le fait de passer sur un système progressif en fonction des revenus, au lieu d'être un système avec un système par tranche, faisait que du coup, il n'y avait plus d'effet de seuil, ce qui était un premier gain dans l'équité entre les parents d'élèves. Mais il y avait encore une difficulté, c'est que sur les ménages qui sont effectivement dans la classe moyenne, la petite classe moyenne qui est à Bagnolet, ne sont pas des gens très riches, comme vous l'avez dit, avaient encore des tarifs qui, en termes de niveau d'effort par rapport à des ménages plus aisés, étaient encore trop élevés. Et donc, on a fait une réforme juste avant l'été pour faire un petit correctif sur la formule de tarifs, pour demander un effort un peu plus important aux ménages les plus aisés, Et quand je dis les plus aisés, c'est pas, ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui gagnent 10 000 euros par mois. Hein. C'est pas ce que je dis, attention. Non mais je dis les choses comme elles sont. Je dis les ménages les plus aisés. Vous êtes toujours plus aisés par rapport à quelqu'un, et ça ne veut pas dire que vous êtes très riche. Oui, y compris pour la, mais madame, y compris pour la ville, quand les tarifs, si vous voulez, si on prenait les prix des denrées alimentaires, les tarifs, ils auraient pu augmenter de 45% pour tout le monde. C'est pas ce qui s'est passé. Même pour une majorité de gens, ils ont baissé par rapport à la réforme de 2019. Après, il y a une deuxième chose. Non, mais après, il y a une deuxième chose qui est intervenue, c'est que dans la mise en œuvre de la réforme en septembre, il y a eu des erreurs qui ont été commises entre les services de la ville et son prestataire dans la configuration des logiciels pour émettre la facturation, ce qui a amené à émettre des facturations erronées pour un nombre très important de bagnoletais, et ce qui a fait que des personnes qui auraient dû payer, par exemple, 1,50 euros le repas, se sont retrouvées à se voir demander 5,70 euros, ce qui ne correspondait ni à l'objectif de la réforme, ni à ce qui a été voté par ce conseil municipal. Simplement, c'est une erreur, un échec, qu'on reconnaît et dont on s'excuse, et on l'a déjà dit la dernière fois, dans la mise en œuvre de la réforme. Donc il y a eu une annulation qui a été faite, il y a eu une information qui a été faite aux parents d'élèves, il y a eu des correctifs qui ont été réalisés dans les services, et il y a eu une réédition des factures qui a été réalisée récemment, et qui permet, en plus d'un simulateur mis à disposition pour pouvoir faire une projection, de constater ce qu'est la réalité, et qui est effectivement beaucoup plus conforme à ce que nous avons annoncé à l'été et pas à ce qui est reçu en septembre. Donc tout ça, c'est évidemment ajouté, et on comprend qu'en voyant les problèmes sur les repas, le changement de prestataire et l'explosion de la facture alors que ce n'était pas prévu, il y a une colère de la part des parents d'élèves, et donc on essaye d'y répondre. Je laisse maintenant Edouard compléter sur... Edouard de Noël. Édouard de Noël, madame, n'avez pas la parole. Édouard de Noël, et ensuite on démarrera le conseil municipal. Merci. Donc, comme l'intervention n'était pas prévue, mais qu'elle allait vraisemblablement venir, j'avais prévu quelques éléments de réponse. Je vais pouvoir en donner un supplémentaire pour mettre les choses en perspective et rebondir sur ce qu'Olivier a dit. Une heure avant le conseil municipal, le député de la circonscription, Alexis Corbière, qui est député de Bagnolet et de Montreuil, est venu en soutien des parents d'élèves mobilisés, en expliquant que la gestion par Sodexo était une décision qui allait à l'encontre des exigences écologiques et de la qualité des repas. Et donc, juste à titre d'information, puisqu'Olivier vous a dit ce que faisait la Sodexo, c'est-à-dire être une centrale d'achat comme Système U, comme d'autres centrales d'achat, comme il est député de Bagnolet et de Montreuil, juste si vous pouvez faire passer le message, qu'à Montreuil, pour 8500 repas, tous les midis, pour tous les enfants, c'est la Sodexo, debout, tambou. La Sodexo qui cuisine, et pas à Bagnolet. Donc, je me permets, madame, juste, et je ne vous interpelle pas, mais juste pour essayer de remettre des choses en perspective, tout à l'heure, vous avez parlé du cuisinier de Sodexo. Il n'y a aucun cuisinier de Sodexo. Le cuisinier à Bagnolet, mais c'est, je pense, c'est une erreur de communication de notre part. Le cuisinier à Bagnolet, il s'appelle Benjamin. Il est agent de la ville de Bagnolet. Il a été recruté il y a 4 mois. Il fait de son mieux et il va faire encore mieux, et il fait déjà bien, je me permets de le dire, parce qu'il n'est pas le seul concerné par la production, mais comme il est chef de ce qu'on appelle chef de production de chaud, je découvre tous les termes, il s'appelle Benjamin, il ne bosse pas à la Sodexo, je vous le garantis. Son chef, le responsable de cuisine, il s'appelle Olivier, il ne travaille pas à la Sodexo. Donc le responsable de la cuisine ne bosse pas à la Sodexo, et toutes les personnes qui sont en dessous, jusqu'aux personnes qui conduisent les camions, qui amènent les repas de vos enfants à la cantine, il n'y a personne qui bosse à la Sodexo. Cela dit, pas à Bagnolet. Et pas dans la... Édouard de Noël seul, et après on démarre le conseil juste, municipal. Oui, il y a eu des erreurs. Alors, je ne sais pas quels sont les parents ici à qui j'ai pu répondre, parce que je reconnais les parents de l'école Joliot-Curie, et puis il y a d'autres parents. Oui, le 7 novembre, il y a eu une erreur. Non, mais je vais essayer de dire les choses. Oui, le 7 novembre, il y a eu une erreur. C'est pour ça que le maire vous a indiqué très formellement qu'il n'y aurait aucune facturation pour aucun parent d'aucun de ces repas-là. Mais juste pour qu'on ne fasse pas un débat, j'essaie de vous donner les éléments pour rebondir et on va se revoir dans un autre cadre. Alors, mais on va se revoir pour en parler dans un autre cadre. J'essaie de vous donner les premiers éléments parce qu'on va quand même se permettre de tordre le cou à des choses qui ont été dites, qui ont été fausses. Il n'y a, écoutez-moi bien, il n'y a aucun produit périmé, soi-disant du 13, qui a été servi. Il y a eu une erreur d'étiquetage. Toutes les feuilles de production qui sont... Mais en fait, c'est vrai. Toutes les feuilles de production qui sont arrivées dans les offices ont amené un rectificatif. Tous les gens qui travaillent dans les offices ont reçu un correctif. C'était le 14. C'est pas pour rien que l'entrée, c'était le 14. Et le plat, c'était le 13. Il y a une erreur d'étiquetage. Les erreurs, ça arrive. Il faut les assumer. Quand il y a des erreurs qui sont faites, puisque c'est pas là, la Sodexo... Alors, vous avez le droit d'avoir votre avis, mais je vais vous donner quelques éléments supplémentaires. Ça suffit. Alors, monsieur, ça suffit. Monsieur, vous n'avez pas la parole, ça suffit. Ça suffit. Mais vous êtes cuisinier, je ne sais pas si vous cherchez un emploi de cuisinier à la ville de Bagnolet. Si vous voulez embaucher à la ville de Bagnolet, venez, on cherche. On aura besoin de postuler. Vous serez le bienvenu. Je suis en charge des RH, mais allez-y. Voilà. Alors, ouais. Juste quelques éléments, puisqu'il y a une grogne qui s'est manifestée. Non, mais je l'entends. Qu'il y ait des militants politiques qui la relaient. Je parle de M. Thénoz. Je parle de M. Thénoz, là. Non, mais là, on va s'arrêter. Non, on est sale du conseil municipal. Écoutez-moi bien. Non, mais alors, vous savez... Je parlais de Guillaume Thénoz et du POID. Non, ça suffit, Monsieur Sarmiento, ça suffit. Julio, ça suffit. D'accord, OK. Où est fermée la cuisine centrale? Non, mais où elle est fermée, la cuisine centrale? Édouard termine, après on démarre. Mais oui, mais tous nos enfants mangent à cette table, mais c'est pas audible. Donc. S'il te plaît. Édouard seul, et après on démarre le conseil municipal, OK? Bon, elle voulait dire, Émilie, quelque chose que j'ai déjà dit, mais a priori qui est inaudible, c'est qu'en fait nos enfants mangent à la même table, mais vous le savez. Donc, juste pour dire une chose, vous avez demandé à être entendu. Et vous êtes entendu. On s'est engagé à ce qu'il y ait une commission communale des menus. La première, elle a lieu le 24. Vous avez demandé à ce qu'on se voit pour une réunion, puisque hier, vous étiez convié à une réunion technique. D'ailleurs, je soutiens les deux agents qui vous ont fait face. A priori, l'ambiance était un peu musclée. Donc, non, on ne les a pas laissés seuls. C'est prévu comme tel, madame. Attendez juste une chose. Mais sur quel réseau, de quoi vous parlez ? Monsieur De Noël, seul. La porte de mon bureau est toujours ouverte. La porte des salles de la mairie sont toujours ouvertes. C'est pour ça que vous êtes toutes et tous conviés le 28 à 19h. Selon les modalités que vous avez demandées, c'est-à-dire une convocation une semaine avant et une réunion uniquement à partir de 19h pour que toutes les personnes qui travaillent puissent y participer. Pour tous les parents, mais je serai là et il n'y aura pas de souci. Et on parlera et on sera peut-être d'accord, pas d'accord, mais on va en reparler. Il faut qu'on fasse aussi notre mea culpa. Je pense qu'en termes de communication, moi le premier, on n'a pas été très bon. Effectivement, on déjeune avec le maire une fois par semaine à la cantine. Donc c'était à Ferry mardi, toi tu y retournais en plus à Verne ce jeudi. Et c'est une fois par semaine. Mais moi je vais revenir avec tous les parents élus qui veulent, on va aller manger ensemble. Et on va aussi, pour celles et ceux qui le souhaitent, aller à la cuisine centrale à Anatole France. Pourquoi ? Déjà parce que vous y retrouverez des têtes connues, y compris des gens qui sont assis sur les bancs autour de vous là. Vous y retrouverez des bagnoletaises et des bagnoletais qui ne bossent pas à la Sodexo, qui sont des employés communaux, qui sont assis à côté de vous sur les bancs, ici, dans le public. Donc, les réfectoires de la ville sont ouverts. Il y a de nombreux parents qui s'y rendent. Il y en a deux à Joliot lundi, deux à Joliot mardi. D'ailleurs, il y a des dysfonctionnements qui ont été signalés, et c'est très bien. Il y en avait quatre à Fromont ce midi. Et je sais que c'est dur à soutenir pour les services, d'avoir les parents qui regardent partout, mais c'est cantine ouverte. Il n'y a rien à cacher. Et pour s'améliorer, on le fera ensemble. C'est pour ça qu'il y a une commission communale des menus. C'est pour ça qu'il y aura réunion après réunion. Et non, les enfants ne mangent pas de la merde. Je me permets de le dire. Ben, ce n'est pas ce que disent d'autres, mais je peux comprendre que ça ne plaise pas. Lundi, il y a eu un loupé de livraison. On doit s'améliorer sur la communication. Je ne laisserai pas dire juste deux choses. Un, qu'on affame les enfants, parce que ce n'est pas vrai. On dépasse toutes les normes Egalim. notamment de 15% sur tout ce qui est, sur tout ce qui est féculent. Et la deuxième chose, et je le dis quand même parce qu'il faut soutenir les agents qui travaillent au quotidien, j'ai vu sur un ancien groupe de discussion du POID qui avait été ouvert au moment des ATSEM, j'ai vu une dame écrire, je la connais en plus, c'est une parent d'élève, on se croise souvent le matin, écrire qu'elle allait saisir les services d'hygiène départementaux, la DDPP. J'ai écrit ce matin au chef de la cuisine centrale, je lui ai dit, regardez ce qui va vous arriver. Et il m'a dit, mais je les attends de pied ferme, qu'ils viennent inspecter, que tous les parents écrivent à la DDPP et qu'ils viennent, parce qu'ils verront qu'il n'y a aucun souci. Donc écrivons tous à la DDPP, faisons-les venir ou commandons une analyse. Et il y a franchement, de ce point-là, aucun souci. Donc on va aller déjeuner plus souvent à la cantine pour celles et ceux qui ont le temps, et moi j'irai autant de fois qu'il faudra, et on aura les débats qui nous intéressent sur filière, production, approvisionnement, Sodexo, pas Sodexo, quel marché pour l'avenir, dans cette salle le 28, et autant de fois qu'il faudra, pour que la grogne que vous évoquez, je sais pas si c'est le bon terme, retrouve à peu près sa juste mesure, et qu'on en arrive au goût, aux couleurs de j'aime pas les betteraves, mais qu'on en arrive à que ce ne soit plus une question centrale de dire qu'on sert de la bouffe avariée, ce qui est faux. Et sinon, en plus, on en serait pénalement responsable, enfin, collectivement, là, ici. Non, madame, merci, Edouard. Donc, nous allons ouvrir le conseil municipal. Nous allons ouvrir le conseil municipal. Donc, rapport numéro 1, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 octobre. Qui est pour? Est-ce qu'il y a des remarques sur le procès-verbal? Madame Desbordes-Silly. Oui, je crois qu'il y avait des parents qui avaient encore des choses à dire, mais on les laisse pas s'exprimer. D'accord. Ouais, ouais. Une question, c'est plus un compte-rendu, c'est un procès-verbal. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle raison vous rétro-pédalez, puisqu'il y a 2 ans, quand ce conseil a été élu, vous avez demandé pour quelle raison il y avait un compte-rendu lapidaire et pas un procès-verbal en bonne et due forme. Vous nous aviez dit non. Je crois que même vous en aviez dit que c'était trop cher. Pour quelle raison, subitement, vous passez au procès-verbal détaillé, qui est une très bonne chose par ailleurs? Obligation législative, me dit le directeur d'administration générale. Donc, qui est pour, très bien, très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Rapport numéro 2, décision modificative numéro 1, Olivier Tarabella. Alors, nous avons, comme c'est maintenant habituel à cette période de l'année, une décision budgétaire modificative qui vise à tirer les conséquences de l'évolution de l'exécution budgétaire. Évidemment, on en avait un petit peu parlé déjà au dernier conseil municipal, en anticipation. Le premier mouvement qui concerne cette décision modificative, c'est la forte augmentation des dépenses énergétiques, mais qui touche évidemment l'ensemble du territoire, avec une augmentation de 1,2 million d'euros des dépenses sur ce poste pour l'exercice 2022, soit une augmentation de 50% par rapport au budget primitif, qui prévoyait pourtant déjà une augmentation de 45% par rapport à 2021. Une régularisation pour 262 000 euros du fonds de compensation des charges territoriales liée à la fois à la régularisation annuelle habituelle intervenue à l'été et à celle liée au transfert de la médiathèque de Bagnolet au 1er juillet. Une diminution de 600 000 euros des dépenses liées à la masse salariale du fait des dépenses effectivement supportées depuis le début de l'année, de l'état des différents recrutements et des départs et arrivées des différents personnels. Une bonne nouvelle néanmoins avec l'augmentation de 496 000 euros de la taxe de séjour liée à une reprise depuis le printemps de l'activité touristique quasiment à son niveau de 2019, ce qui nous permet d'avoir donc une recette nouvelle supplémentaire à inscrire assez significative. Pour ce qui est de l'investissement, nous avons des dépenses d'investissement qui sont nouvelles. C'est notamment 1,4 million d'euros de remboursement de taxes d'aménagement liées à des évolutions de permis de construire, des projets qui ne se sont pas faits, permis de construire annulés. Je rappelle que la législation ayant évolué à partir de 2024, a priori, nous n'aurons plus du tout ce type de situation puisque la taxe d'aménagement n'est versée qu'à l'issue de la livraison des projets et donc il est impossible dès lors que des annulations de taxes déjà perçues puissent intervenir, mais on aura encore donc potentiellement en 2023 ce type de situation. Je rappelle qu'au budget primitif, 5,6 millions d'euros avaient été inscrits pour le remboursement de la taxe d'aménagement liée au projet Saint-Maclou. Nous sommes toujours dans l'attente d'un titre des services de l'État qui nous permettrait de réaliser ce remboursement. Donc à ce stade, cette dépense est maintenue au budget, au budget 2022, mais il est possible que nous soyons amenés à la retirer en fin d'exercice si, évidemment, nous n'avions toujours pas de nouvelles des services de l'État, même s'il n'y a aucun doute sur le fait que nous aurons à rembourser cette somme, puisque le fait générateur est déjà intervenu. 1 495 000 euros de diminution sur les dépenses liées au projet Pêche d'Or, liées simplement au cadencé d'avancée du projet par rapport à ce qui était le budget primitif, puisqu'il n'y aura pas de moindre dépense sur ce projet. Au contraire, il y aura certainement des corrections amenées par l'évolution des prix de la construction, mais en tout état de cause, une évolution liée au cadencé. Les ajustements habituels sur les dépenses effectivement réalisées en investissement. Une suppression de recettes de 597 000 euros qui était espérée dans le cadre du plan de relance sur les différents investissements en matière d'habitat, mais auxquels la ville finalement était inéligible au regard des dates dans lesquelles ces projets ont été réalisés. L'inscription des avances de subventions notifiées par l'État à hauteur de 30% sur l'exercice. Une diminution de 662 000 euros de l'autorisation d'emprunt au regard de l'équilibre de la section d'investissement. Et une diminution de 900 000 euros du FCTVA inscrit, pour lequel nous avons demandé des précisions de la part des services de l'État, puisque notre évaluation du FCTVA, qui se fait selon une matrice commune donc à la ville et aux services de l'État, nous met en situation de désaccord avec les services de l'État, comme nous avions pu l'être d'ailleurs sur l'évaluation de la taxe foncière, mais qui avait pour une grande partie d'ailleurs été ensuite rectifiée au bénéfice de la ville. Enfin, l'équilibre entre les deux sections se fait par la minoration de 749 000 euros du virement à la section d'investissement, qui nous permet donc d'équilibrer cette décision budgétaire modificative. Merci Olivier. Des remarques, des interventions, Monsieur Vionnet. Merci. Effectivement, c'est une décision modificative qui n'a pas des aspects énormes hein, pour le dire en une phrase, elle correspond largement à l'augmentation d'un certain nombre de coûts, notamment de l'énergie à Bagnolet comme ailleurs, et elle est en bonne partie équilibrée par des économies sur la section de fonctionnement, alors, ce qui est souvent le cas. Vous dites que c'est des décalages dans le temps, mais c'est de manière assez récurrente que la moindre consommation du fonctionnement, donc clairement... Je fais un lapsus depuis un instant, je voulais dire de l'investissement, je pense que vous aviez corrigé de vous-même, la moindre consommation de l'investissement, et donc c'est-à-dire de ce qui prépare l'avenir, les écoles, les équipements publics, etc., est souvent ce qui permet d'équilibrer le budget. Là, les deux éléments quand même de moindre dépense de la section d'investissement, cette fois-ci je ne vais pas refaire mon lapsus, proviennent de deux projets scolaires, Langevin, avec un décalage, alors je crois que ça correspond à des budgets d'études, et puis Pêche d'Or, comme vous venez de le dire. Ce qui laisse quand même un peu à réfléchir, parce qu'on sait bien que la construction scolaire, c'est la principale priorité de cette ville en termes d'équipement, que les mandatures précédentes ont produit des écoles. Sous le mandat de Daniel Mongeau, l'école Francine Fromont, sous le mandat de Marc Everbeck, le groupe scolaire Joliot-Curie, et ce n'a pas été le cas de votre premier mandat. Et là, donc, vous nous avez annoncé dans les prévisions budgétaires de début de mandat trois projets d'école, donc une en centre-ville. Bon, le terrain est réservé, et nous savons... bien avec le maire qu'il a été réservé, notamment grâce à une démobilisation d'habitants du quartier, mais que par contre, cette école n'a pas connu un début de réalisation. Langevin, on en est donc à des études qui sont elles-mêmes décalées. Quant à Pêche d'Or, j'ai l'impression qu'il s'agit moins de réaliser une école que de mener une guerre locale. Je ne reviendrai pas sur le fond, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler souvent en conseil municipal, mais tout de même revenir sur ce qui s'est passé dans la période très récente, où effectivement, de nuit, à 5h30 du matin, un carnage ces produits sur ce site. Et je pense tout de même qu'il y a des aspects, je veux dire, c'est déjà pas bien du tout de couper des arbres. Mais au moins, il y a des entreprises sérieuses, professionnelles, qui normalement le font, agréées, qui utilisent des tronçonneuses. Là, il y a de nombreuses, il y a des vidéos de ce qui s'est passé. C'est à la pelleteuse que tout ce qui était sur le site a été massacré à partir de 5h30 du matin. Et franchement, je pèse mes mots, ce ne sont pas les méthodes d'une municipalité qui met en œuvre un projet. C'est des méthodes de voyous, et je pèse mon mot. C'est des méthodes d'entrepreneurs indélicats qui lancent des travaux non autorisés de nuit. Et surtout, pour finir, vous nous avez menti. Je crois que c'était l'adjoint à l'éducation, M. Desnoëlle, en conseil municipal, qui avait expliqué ici même qu'il y avait une modification qui avait été apportée au projet de l'école pour le reculer un peu sur la parcelle pour pouvoir préserver les arbres qui donnent sur la rue. Aujourd'hui, moi, je suis passé, malheureusement, parce que c'est un spectacle navrant à chaque fois, je suis passé régulièrement sur ce site. Il ne reste plus rien. Il reste sur la partie en façade un très gros arbre, un seul. Tout le reste, alors que vous étiez, parce que comme ce conseil municipal est enregistré, on peut réécouter, il y avait eu des engagements sur un nombre d'arbres préservés en façade. Il n'en reste qu'un. Et tout ce site a été littéralement massacré. Ça ne s'appelle pas des travaux, ce qui s'est passé là. Monsieur Vionnet, vous parlez d'apaisement. Chacun aura pu mesurer votre sens de la mesure. S'il y a d'autres observations sur cette DM1, Monsieur Stalens. Oui, effectivement, pour juste surtout sur ce que vient d'annoncer. Pas compris, vous pouvez redémarrer. Oui, bien entendu, je vais aussi, moi, intervenir sur le même sujet, à savoir ce qui s'est passé cet été. Vous avez fait fi de beaucoup de choses, dans le sens où vous avez fait fi, déjà pour commencer, de la police de l'environnement, qui avait trouvé, en tout cas, un hérisson décédé suite au passage des premiers bulldozers, tout de suite. Ce n'est pas la police de l'environnement qui l'a trouvé. C'est l'hérisson décédé, il a été posé au milieu de la rue. Le constat de son décès a été relevé par la police de l'environnement qui a permis aux associations qui défendent ce site, qui sont France Nature Environnement, le groupe national de la surveillance des arbres, le mouvement national de lutte pour l'environnement et Alliance Hérisson, d'obtenir de la part du tribunal administratif un recours, ce qui normalement vous aurait obligé à stopper les travaux, ou en tout cas à sursoir le temps de mettre en place une étude qui avait été extrêmement mal faite du site. Non, mais là, une étude digne de ce nom se fait deux jours, se fait deux nuits. On y repère l'intégralité de la flore et de la faune, ce qui n'a pas été du tout le cas. Donc le tribunal administratif nous a demandé de sursoir les travaux dans l'attente de cette nouvelle étude. Et vous avez fait intervenir, comme tout à l'heure Pierre le reprécisait, à 5h30 du matin, les bulldozers massacrant l'intégralité de la parcelle sans aucune précaution d'aucune sorte, sans qu'une brigade soit présente pour peut-être récupérer les animaux trouvés lors des travaux. Rien n'a été fait, rien n'a été organisé. Je pense que les associations qui s'occupent, dont j'ai cité la liste tout à l'heure, et d'autres se sont adjoints à cette revendication, ne laisseront pas l'affaire en l'état. C'est-à-dire qu'ils vont poursuivre leur volonté de voir ce site préservé et vont porter recours, ils vont contrarier une fois de plus les ambitions de construction de cette école. Donc personne ne sera satisfait. C'est-à-dire que vous n'aurez pas l'école dans le temps, au moins un parti désiré. Je n'ai pas dit que vous n'aurez pas d'école, puisque j'allais même terminer mon intervention rapidement en vous proposant peut-être de revoir ce projet d'école. Il existe, ce projet d'école écologiste. Il est soutenu. Il est soutenu par la population. Et c'est au contraire du vôtre, d'ailleurs. Et je pense que cette école pourrait simplement se construire autrement. Et que les méthodes que vous utilisez, et tout à l'heure que Pierre a caractérisé de méthodes voyous, sont... On a l'habitude d'être traité de voyous avec vous. Donc, effectivement, contrariante pour la démocratie, en tout cas pour les gens qui se sont investis sur ce site. Écoutez, monsieur Stalens, je pense que... vous maîtrisez mal les procédures. Vous maîtrisez mal le contentieux administratif. Vous maîtrisez mal les procédures d'urbanisme. Et ça, on le savait, n'est-ce pas, Cédric Pape? Donc, il y a eu un recours. Il y a eu un recours. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Il y a eu un recours gracieux effectué par un certain nombre d'habitants et par une association Sauvons l'Île aux Pêches d'Or au printemps contre ce projet. Un recours gracieux. J'ai répondu négativement à ce recours gracieux. Il n'y a pas eu de recours contentieux. Ça, c'est le volet permis de construire au printemps. Il y a eu un référé déposé mi-septembre par un certain nombre d'associations. L'instruction est pendante auprès du tribunal administratif. Voilà, tout simplement. Et personne, enfin, le tribunal administratif n'a pas jugé encore ce recours. C'est suspensif. Mais non, ce n'est pas du tout suspensif. Vous ne maîtrisez définitivement rien au contentieux administratif, M. Stanet. Pardon. Non, un référé auprès du tribunal administratif n'est pas suspensif. Et non, la police de l'environnement, la brigade de l'environnement, n'a pas découvert un hérisson au milieu de l'été. Un hérisson a été posé au milieu de la rue Raymond Lefebvre, avec des photos ont été prises, et la brigade de l'environnement est intervenue, la police de l'environnement est intervenue. Mais sachez que nous avons réalisé une étude faune-flore, qui a des préconisations précises, et qu'on respecte les préconisations qui ont été faites, et que l'étude faune-flore, si vous voulez, a même été adressée à l'avocat des associations concernées. Donc retournez-vous vers les associations que vous avez évoquées. L'avocat des associations concernées dispose d'études faune-flore. Il n'y a aucune difficulté. Cette étude dont je vous parle, qui est remise en question justement par les associations. Oui, mais oui, non, mais peut-être qu'elle est remise en question. Est-ce qu'elle a été faite de nuit ? L'étude existe, il y a des préconisations. Elle a été bâclée. Elle est bâclée, c'est votre avis. Voilà, les militants écologistes disent que l'abattage des arbres boulevard Chanzy à Montreuil par le département en lien avec la ville de Montreuil est bâclé. Pourtant, l'étude existe et il y a un projet qui avance. L'étude faune-flore, contrairement à ce que vous dites, existe. Elle existe, le projet avance, et voilà, tout simplement. Mais évitez de dire autant de choses erronées en si peu de temps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Donc, qui est pour cette décision modificative ? Pardon ? Je voulais parler, je voulais prendre la parole. Monsieur Chahir, allez-y. Merci. Je voulais juste comprendre, Olivier, concernant... la fameuse maquette du DM. J'entends pas. Là. On n'entend pas là. Oh, pardon, excusez-moi. Désolé. On m'entendait mieux là ? Oui, c'est concernant, comme d'habitude, tout ce qui concerne le budget de fonctionnement et les recettes de fonctionnement, je vois qu'au niveau des charges à caractère général, on avait un budget d'exercice à plus de 13 millions et on réinclut un vote à 1 549 000 euros, donc on remonte à 14 millions. 765 000 euros. Au niveau des charges personnelles, c'est bien, on fait une petite réduction de 600 000 euros. Et au niveau des autres charges de gestion courante, idem, on est passé à 18 millions au niveau du budget de l'exercice. Pour une nouvelle proposition, on rajoute 335 000 euros, en fait. Et moi, il y a un truc que je voudrais juste comprendre. On est toujours resté à 90 millions de dépenses pour 30 millions de recettes. Donc, je le répète, en tant qu'élu, vraiment, on doit tous faire des concessions, sachant qu'on avait fait, malgré l'arbitrage budgétaire en avril 2022. Donc voilà, je le répète, comme tu sais, Olivier, nous avons toujours actuellement un endettement de 152 millions d'euros de dettes, donc avec 50 millions d'euros à financer sur la mandature. Je le réitère, on risque de finir un endettement très, très élevé à plus de 200 millions d'euros. Aujourd'hui, l'encours, là, quand on regarde sur la strate en 2022, puisque bon, là, c'est un DM, on n'a pas encore le bilan total, on est toujours à 4 205 euros par bagnoleté, alors que la moyenne toujours nationale de la strate est de 1050 euros par habitant. Donc, je le répète, j'ai peur qu'on soit vraiment à plus de 5 600 euros de dette par bagnoleté. Et je le dis encore une fois, ce seront des dépenses pour le remboursement de la dette par habitant. Et j'espère qu'on pourra réellement améliorer, malgré qu'on soit endetté, améliorer le cadre de vie des habitants, Parce qu'avec une telle dette, je le répète et je le redis, il faut vraiment un service de qualité, je l'espère, une cantine de qualité, un service à la population, une infrastructure de qualité, équipement sportif de qualité, de la sécurité, la propreté, la santé, c'est important, et des heures de jeu pour enfants, pour qu'on puisse vraiment améliorer le quotidien des Bagnoletais. Voilà. Olivier. Juste d'un mot, en tout état de cause, par rapport à la situation entre le moment des orientations budgétaires 2022 et celles qu'on fera en 2023, l'évolution des taux d'intérêt sur les marchés financiers, les charges nouvelles comme l'énergie qui explosent, font que la stratégie sur l'emprunt en 2023 sera assez différente de celle de 2022. Par ailleurs, certes, la trajectoire était celle de ne pas emprunter plus de 10 millions d'euros par an, ce qui faisait 50 millions, mais il ne faut pas oublier qu'évidemment, dans le même temps, la ville rembourse aussi 8 millions d'euros par an. Donc en fait, si on était sur cette trajectoire stricte, elle ne porterait pas à, 100, à 200 millions d'euros, plutôt à 160. Mais en tout état de cause, ça sera probablement une trajectoire différente qu'on sera amené à proposer en 2023, étant donné le renchérissement de l'emprunt pour toutes les collectivités et les charges durables, notamment sur l'énergie. Je propose de passer aux voix. Qui est pour approuver cette décision modificative? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Mise à jour du tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Pas de remarques, pas d'observations. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Rapport numéro 4, modification de la délibération du 25 mai 2022, créant des emplois permanents et permettant le recrutement d'agents contractuels à la direction de la santé. Est-ce qu'il y a des observations sur le sujet? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Rapport suivant, création d'un emploi de médecin gériatre et autorisation de recrutement d'un agent contractuel à la direction de la santé. Pas de remarque. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération 6. Autorisation de recrutement d'agents contractuels sur le fondement de l'article L343-1 du Code général de la fonction publique, emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Même délibération pour un gestionnaire carrière paie. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, recrutement d'un contrat d'apprentissage à la direction des services d'information. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Ensuite, nous avons une série de délibérations qui concernent la restauration des agents de la ville avec l'extension du dispositif que nous avons mis en place avec les restaurateurs de Bagnolet. Le rapport 9 concerne le partenariat avec la Casa Diana. Des remarques? Pas de remarques? Monsieur Vionnet? Oui, juste une brève remarque, puisque c'est une mesure qu'on avait aussi proposée à l'époque. Elle s'est mise en place, on l'a votée à l'époque et on se félicite de son extension et on votera bien sûr l'ensemble des délibérations concernées. Donc la 9, c'est Casa Diana. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. La 10, le Melting Pot. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. La 11, le Dandy. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. La 12, l'Amandine. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. La 13, le Bellevue. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. La 14, la Belle Maison. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. La 15, Pizza Time. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. La 16, Pokénomie. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Ensuite, nous avons une délibération concernant l'avenant au projet de fonctionnement des rames. Édouard. Merci. Je vais prendre du coup très brièvement la place de Zora, parce que c'est son sujet. Elle est absente et vous prie de bien vouloir l'en excuser ce soir. Les rames s'appellent maintenant RPE, relais petite enfance. Et je prends mes notes, parce que j'étais pris un peu au dépourvu de la vitesse de vote. Donc, c'est un régime, les RPE, qu'on doit appliquer à partir de 2023. le RAM que les parents ici connaissent, je dirais ni papa ni maman, mais les parents, bientôt sera déménagé dans le projet qui est mené à Pêche d'Or, à côté de la crèche. Il aura notamment deux nouvelles missions, elles sont fixées par la loi, et ça sera le premier point d'information pour les familles, et je vous laisse prendre connaissance de la délibération. Est-ce qu'il y a des remarques, Mme Desbordes-Sylly ? Oui, deux remarques. La première, c'est que cette délibération a été présentée en commission numéro 3, citoyenneté et solidarité, mais elle a été vraiment présentée, il a fallu se battre pour obtenir une présentation de la délibération. Donc juste une remarque, en fait, si, et il y avait la semaine dernière, c'était la seule délibération qui était à l'ordre du jour de la commission, donc Zora Kelly, effectivement, qui n'est pas là, il a fallu lui arracher... des éléments d'explication. Je rappelle quand même qu'on a, nous, le dossier de commission 48 heures le vendredi soir pour des commissions qui sont convoquées le lundi soir. Et que simplement, de mémoire, Zora Kelly nous a dit, bah, finalement, le RAM devient le réseau, le RPE. Bon, c'est un peu léger, donc je reviens même pas sur ce qui s'est passé en commission numéro 1 où mes collègues n'ont pas pu rejoindre la visio. Mais enfin, les commissions, on est tous très occupés, vous comme nous. Donc, si c'est simplement pour nous dire, OK, bah, j'ai demandé à Zora Kelly, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que vous pouvez nous présenter précisément la nature de ce changement de dispositif ? Bon, bah, je vais me faire envoyer dans nos buts. Donc, ça, voilà, c'est un premier point, mais c'est important. À ce moment-là, on arrête les commissions si c'est vraiment pour avoir des éléments qui ne sont pas des éléments d'information, puisque je vous rappelle que, enfin, vous savez pertinemment, je rappelle à ceux qui écoutent que ces commissions-là sont facultatives. Donc, OK, vous les réunissez, mais qu'on puisse avoir des échanges au moins du grain à moudre. Sinon, ça ne sert à rien, on va rester chez nous. C'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est un sujet extrêmement important, parce qu'on parle du service public de la petite enfance. Que dans le cadre de cette délibération, enfin, c'est rappelé, mais on le savait, il y a un manque. Alors, évidemment, ça ne concerne pas que Bagnolet, hein, c'est un peu partout pareil. Hélas, il y a un manque de structure d'accueil pour les parents de jeunes enfants, et qu'il y a seulement une famille sur quatre qui obtient une place en crèche. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de la délibération. Il y aura un débat au sujet de la délibération qui va suivre, donc ce n'est pas un petit sujet. Donc il est tout à fait essentiel que ces missions d'accompagnement, d'accueil, de formation des assistantes maternelles, puisque là aussi c'est inquiétant, apparemment il y a moins d'assistantes maternelles sur le territoire de Bagnolet, donc il faut les accompagner, il faut assistantes ou assistants maternels, il faut promouvoir la profession. Il est important que les bagnoletaises et les bagnoletais puissent trouver un mode de garde, et je rappelle quand même que il est tout à fait essentiel que les enfants en bas âge de moins de 3 ans puissent être scolarisés, puisqu'on sait très bien que le fait de ne pas trouver de mode de garde est un des éléments extrêmement favorisants des interruptions de carrière chez les femmes. Voilà. Bon, ensuite, je reviens pas, évidemment, ce relais petite enfance sera sur les sites Pêche d'Or, donc je ne reviens pas là-dessus, puisque Pierre Vionnet en a parlé, et vous savez ce qu'on en pense. Édouard, donc sur les commissions, on va faire en sorte de s'améliorer, effectivement, parfois des dysfonctionnements qui ne sont pas normaux. Édouard. Non, peut-être sur l'augmentation, je vais en reparler, mais sur l'augmentation de l'offre, il y avait un rendez-vous en mairie, pas plus tard qu'à 17h, là, avant le conseil municipal, pour la création de la première maison des assistantes maternelles à Bagnolet, donc diversifier les modes de garde et permettre aux assistantes maternelles de ne pas exercer le métier que chez elles, parce qu'effectivement, il y en a de moins en moins. 68, dans mon souvenir, à Bagnolet, 6 seulement qui sont des assistantes maternelles municipales, et aussi des problèmes de personnel, notamment personnel puéricultrice, puériculteur, dans l'ensemble des crèches de France. Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante. Mise en œuvre de la protection fonctionnelle en faveur de Madame Zora Kelly, qui a subi à la fois des menaces, des outrages, des violences, et dont l'affaire doit venir au printemps auprès du tribunal correctionnel. Madame Le Bourris. Édouard, ouais, vas-y. Peut-être dire un mot. Pardon. Juste dire que depuis l'été 2020, Zora Kelly est en charge de la petite enfance par délégation du maire, qu'elle s'implique dans ses fonctions avec dynamisme, avec intérêt, sur le sujet de l'augmentation des places, comme on vient de l'évoquer, sur le sujet des projets pédagogiques, sur le sujet de l'amélioration des conditions d'accueil. Parmi ces fonctions, il y a celle de suivre l'attribution, on va dire vulgairement, des places en crèche, mais la commission des accueils et la CAMA. Elle a reçu les bagnoletaises et les bagnoletais. Elle les a eues au téléphone, parfois dans des conditions difficiles avec la crise sanitaire. Comme vous le savez, les demandes, sont, et vous l'avez dit, sont nombreuses et les places limitées. Il y a un effort de livraison de structures qui a été fait, crèche Toffoletti, crèche Joséphine Baker, Avenir, crèche Pêche d'Or, et d'autres projets d'ici la fin du mandat, je l'ai dit tout à l'heure, notamment projet de maison des assistantes maternelles. Effectivement, dans ce contexte, il y a à peu près un quart des demandes des parents qui peuvent être honorées à ce jour, et c'est malheureusement encore trop peu. Les décisions, elles se basent sur des critères objectifs, en collégialité, avec les professionnels du secteur qui sont toutes et tous autour de la table. Et comme vous le savez, pour être plus adapté, plus lisible, plus transparente, ces critères ont été revus et donc adoptés, enfin sans vos votes, lors du dernier conseil municipal. Dans ce contexte, quand un refus intervient, il est inconcevable de harceler, d'insulter, de menacer, de faire pression sur les élus, y compris, dans le cas d'espèce, de venir les chercher jusque dans leur bureau à la mairie. C'est pourtant ce qui est arrivé à Zora. Elle a été insultée, menacée pour un refus précis, et elle a dû faire valoir ses droits, c'est-à-dire tout simplement déposer une plainte pour se protéger. C'est une jeune femme, elle y a le droit. Les personnes ont été entendues, une audience pénale, le maire l'a dit, est d'ores et déjà fixée. Madame Kelly demande donc la protection fonctionnelle. Ces intimidations sont directement rattachable à l'exercice de son mandat et de la délégation que le maire lui a confiée. Je vous remercie. Solène Bourris. Oui, bon, vous avez totalement raison. On ne menace pas, on n'injure pas les élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Je ne vais pas refaire le débat. Je m'en souviens encore aujourd'hui. J'en ai gardé quelques traumatismes. Bon, évidemment, nous, on ne votera pas la protection fonctionnelle et de toute façon, vous n'avez pas besoin de nos voix pour que cette délibération passe. Donc, ce soir, je risque encore, on va peut-être remettre en cause mon militantisme féministe, mais puis on va peut-être aussi, pourquoi pas, me retraiter de choses assez horribles dont je ne parlerai pas ce soir, mais j'ai déjà été victime moi-même de ça puisque nous l'avions évoqué. Et mes collègues aussi, Pierre, si tu me permets, je te cite comme mot, on a déjà été menacés, injuriés dans le cadre de nos fonctions d'élus de l'opposition. Voilà. Donc, je ne remets pas en cause le travail de Madame Kelly, hein, ça c'est évident. Moi, ce que je remets en cause, en fait, c'est le manque d'équité sur la fonction d'élu. Depuis le début de ce mandat, vous ne cessez à un moment de parler de nos responsabilités d'élu, et puis quand il le faut, vous nous remettez sur notre place d'opposition. Donc on en profite ce soir pour dire, voilà, c'est quand on doit protéger un élu, on doit le protéger. Alors vous allez dire, oui, mais la loi n'évoque que les élus de la majorité. D'accord. Mais moi, ici, dans cette majorité, je suis désolée, je ne me sens pas protégée. Ok, je propose de passer au voix. Madame Desbordes-Silly. Oui, j'ai d'abord deux questions. Dans la délibération, il est fait mention d'un verdict qui devait être rendu en octobre. Ça a été reporté. Ok. Et le montant des frais de justice engagés, il est de combien? Aucun à ce stade. Ok, bon. Bon, alors, je voudrais dire un mot quand même, enfin compléter ce qu'a dit Solène. Moi, je suis gênée, nous sommes gênés, le groupe est gêné par cette demande de protection fonctionnelle. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est la protection fonctionnelle, ce n'est pas forcément un truc qu'on connaît, c'est un droit qui est accordé aux élus par le Code général des collectivités territoriales et qui permet aux élus de faire prendre en charge par la commune les frais de justice qu'ils engagent dans le cadre d'affaires judiciaires ou de poursuites de procédures judiciaires qui sont liées à l'exercice de leur mandat. Alors, nous, on est gênés parce que, en fait, Zora Kelly a fait l'objet de menaces dans l'exercice de ses fonctions. Les outrages, les menaces, les violences, la brutalité, comme le rappelait Solène, de toute façon, sont naturellement tout à fait inacceptables. Mais vous l'avez rappelé, en fait, elle ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires, c'est elle qui intente une poursuite judiciaire contre une administrée, effectivement, qui s'est montrée menaçante et violente. Bon. Nous trouvons, on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, qu'il y a à Bagnolet, pour le coup, une spécificité. Moi, je trouve qu'il y a une judiciarisation des conflits, des litiges, des différends, donc de l'action publique, qui ne contribue pas au climat d'apaisement dont on parle depuis tout à l'heure. Certains le savent, enfin, on le dit assez souvent, que finalement, intenter une procédure judiciaire, c'est mettre en place, mettre en forme une forme de violence civilisée. C'est pas rien, une poursuite judiciaire. Trop souvent, ici, mais pas qu'ici, aussi à l'extérieur de cette enceinte, de cet hémicycle, on menace de poursuivre en justice. Et ça, c'est quand même une spécificité du territoire. Je dois dire que quand on parle avec nos collègues élus ailleurs, en Seine-Saint-Denis, à Paris, peu importe, il y a quand même ici, si tu te tais pas, je te traîne en justice. C'est quand même un truc tout à fait particulier. Bon, alors la demande de protection fonctionnelle, c'est la deuxième fois que vous la sollicitez. Vous l'avez sollicitée pour vous, monsieur le maire, je rappelle à ceux qui ont oublié, donc c'était en 2020. Vous aviez aussi déposé une plainte contre Claire Laurence, je crois que ça a été rappelé. Alors c'était clairement, c'est vraiment une procédure bâillon, hein. Ce genre de plaintes qui sont déposées contre eux, à l'époque, Claire Laurence était coprésidente du groupe d'opposition, c'est vraiment destiné à intimider, à faire taire. Et d'ailleurs, comme l'a rappelé Pierre Vionnet, vous avez été débouté, Claire Laurence a gagné. Il n'empêche que vos frais d'avocat, les honoraires, les frais de procédure ont été pris en charge par le contribuable. Voilà, donc, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le travail qui est probablement un travail de qualité qui est effectué par Zora Kelly, mais nous ne voterons pas cette demande de protection fonctionnelle pour les raisons que nous venons d'évoquer ici. Grégoire. Oui, je vais juste partager avec vous mon désarroi, je ne comprends pas que sur une délibération aussi simple d'une femme qui se fait agresser presque, qui est menacée, on ne puisse pas tous être d'accord pour se dire qu'elle a le droit de se défendre et que toute l'opposition comme la majorité soutient cette action. Honnêtement, moi ça fait écho à tout ce qu'on s'est dit depuis le début de ce conseil municipal, mais je trouve ça incroyable qu'on n'arrive pas à se rejoindre là-dessus. Les faits, ils sont simples, ils sont avérés. En plus, on sait exactement dans quelles circonstances ça se passe. On connaît ces situations-là de pression sur les élus. Donc, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ça. C'est, je trouve, atterrant pour... dans cette enceinte qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ça. Voilà, je ne comprends vraiment pas votre position. Et honnêtement, vos explications, je ne sais pas qui les entend, elles sont déjà incompréhensibles. Et puis surtout, quand on résume la situation, c'est une femme qui a été menacée dans le cadre de ses fonctions en tant qu'élue parce qu'elle n'a pas donné une place en crèche, mais ce n'est même pas elle qui l'a pas donnée. C'est des critères qui ont défini que ces personnes n'avaient pas cette place en crèche. Elle demande juste à être entendue et qu'on se dise tous, bah oui, on est tous solidaires quand ce genre d'agissement arrive. Et en fait, vous n'estimez pas que ce soit nécessaire. Bon, mais non tact, mais c'est vraiment, c'est complètement atterrant. Enfin, c'est grave. Je crois que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, mais ce n'est pas grave. Bon, je propose de passer au voix. Pardon, Caline. Moi, je voulais juste dire une petite phrase qui va dans le même sens que celle de Grégoire de la Gainerie. Dire que faire appel à la justice, c'est une violence, en fait, c'est quasi indécent, c'est inverser les choses quand c'est Zora Kelly qui subit des violences. C'est hallucinant. Parler de violence civilisée, et le terme n'est pas de moi. Et ça aurait été... Pas civilisée, en fait, quand on se prétend une grande défenseur des droits des femmes, comment est-ce qu'on ose dire ce qu'on vient d'entendre ? Que c'est une violence civilisée de demander une protection fonctionnelle. Mais c'est une blague, en fait. Mais c'est elle qui subit la violence, mais c'est elle qui en est victime. On subit exactement la même chose. En fait, c'est la judiciarisation. Cédric Pape. C'est la judiciarisation de l'ensemble des litiges. Cédric Pape. Vous n'avez pas la parole. Vous levez la main et vous l'aurez. Cédric Pape. Oui. Moi aussi, je suis complètement choqué sur un vœu aussi simple. Parce que j'en étais victime moi-même au précédent mandat. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on est tous victimes qu'il faut banaliser. Bien au contraire, je pense que... On ne banalise pas, mais on ne porte pas plainte. Parce que vous êtes toujours la première à dire qu'on vous coupe la parole et qu'on on vous respecte peu. J'aimerais juste finir ma phrase. Donc oui, je ne comprends vraiment pas sur un vœu aussi simple. En fait, un élu se fait menacer. Voilà, l'affaire est simple, les faits sont simples. Et si on devait parler de concorde et d'apaisement, parce que tout compte fait, on est d'accord tous les deux, j'imagine, sur l'apaisement. Et bien, sur cette protection-là... Est-ce que vous voteriez la protection fonctionnelle si on la demandait pour nous ? Vous ne la voteriez pas ? Décidément, vous avez du mal, c'est toujours vous. On vous coupe toujours la parole, mais vous avez vraiment du mal à garder votre calme. Donc, je continue, je persiste et je signe. Donc, sur un vœu aussi simple, où en fait, une élue se fait menacer, il me paraît évident que tous les élus de la majorité et de l'opposition devraient lever la main. J'espère que vous allez revenir sur votre décision là rapidement, parce que si vous voulez, moi, Solène, quand elle dit qu'elle s'est fait menacer, mais je la soutiens clairement, et on en a déjà parlé, je l'ai toujours soutenue. Et quand vous, et moi je finirai jamais, là-dessus, jamais, vous l'avez soutenue, je le jamais. Dis là, si Solène Le Bourris se fait ennuyer, insulter, je serai toujours là pour la défendre. Ce n'est pas parce qu'elle est dans l'opposition que je me cacherai. Et parce que moi-même, j'en étais victime. Et donc là, par contre, je vous repose une question. Parce que vous m'avez reproché de nombreuses fois, alors je ne sais plus qui d'entre vous, hein, je ne pense pas que ce soit Solène, mais qu'à l'époque, moi, je n'avais pas porté plainte contre une certaine dame parce qu'elle m'avait séquestrée dans mon bureau et que j'avais eu la main assez molle et que j'avais fait juste une main courante. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le maire m'avait dit à l'époque, tu devrais porter plainte. Je ne l'ai pas écouté. Là, il faut, apparemment, il avait bien raison ce jour-là. Mais je ne comprends pas. Alors, doit-on porter plainte ou pas porter plainte? Parce que, à moi, vous me dites, main courante... On vous a dit ça parce qu'ici, le sport national, c'est de porter plainte. Vous avez vraiment du mal. Vous avez vraiment, vraiment du mal. Mais rongez votre frein, vous pourrez me répondre juste derrière. Mais à moi, vous me dites, ne porte pas plainte. Vous n'avez pas porté plainte, excusez-moi, c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas porté plainte. Donc les faits ne sont pas véridiques. Et après, vous dites à ma collègue, vous ne devriez pas porter plainte, on ne vous accordera pas la protection fonctionnelle. Alors, de deux choses l'une, vous êtes à géométrie variable. En fait, en fonction du contexte, moi je vous le dis très clairement aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quel élu aujourd'hui qui se fait insulter en séance ou dehors, doit avoir tous les élus derrière lui pour le protéger. Bon, bah écoutez, on prend acte, et la prochaine fois qu'on se fait menacer, harceler ici, sur les réseaux sociaux, vous aurez tout mon soutien. Et vous voterez la protection fonctionnelle pour l'un de nos... On prend note. Mais vous, par contre, vous devriez prendre note maintenant. Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Délib 19, adhésion à l'association Cotter Numérique. Très chers collègues, bonsoir. Une délibération très simple, je vais essayer de faire vite. Donc, le vœu concerne l'adhésion à l'association Cotter. Donc, c'est une association qui permet l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les différents services DSI des villes qui adhèrent à cette association. Donc, en fait, le but, c'est de pouvoir donner à nos agents des solutions dignes et adaptées afin qu'ils puissent réaliser leur travail dans de meilleures conditions. On a mis en pièces jointes le prix, donc 320 euros. Et vous avez aussi les différents articles qui régit l'association Cotter en pièces jointes. C'est tout. Merci. Merci, Sen. Y a-t-il des demandes de parole ? Je mets aux voix la délibération. Qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée. L'ordre du jour du conseil municipal est épuisé. Nous avons une demande de vœux présentée par le groupe de l'opposition. Je ne sais pas qui le présente. Vœux. Merci. Monsieur Vianney, allez-y. Oui, donc on a souhaité proposer ce vœu parce que c'est un sujet qui nous paraît assez fondamental pour Bagnolet. Et pour ses habitantes et habitants. Bon, tout le monde connaît la barrière terrible qui est aujourd'hui le périphérique entre Paris et la banlieue. Bagnolet est une commune particulièrement concernée puisqu'elle a une très longue façade sur le périphérique et elle a des accès qui n'ont pas fait l'objet, contrairement à ce qui a pu se passer à la Porte des Lilas par exemple, de réaménagement Et on a notamment, en particulier dans la partie sud, des traversées qui sont très difficilement praticables, tant pour les piétons que pour les vélos. Il se trouve, et le maire le sait très bien, qu'est étudiée depuis assez longtemps par la ville de Paris et par son agence d'urbanisme, une passerelle dont l'emplacement est étudié assez précisément dans l'axe de la rue Serpollet dans le 20e arrondissement de Paris et aboutissant approximativement sur l'ex-terrain Saint-Maclou. Il se trouve d'ailleurs que du côté parisien, les travaux de rénovation du quartier Piton du Vernois sont en cours et que d'ailleurs la rue Serpollet fait l'objet d'un réaménagement piéton-vélo et donc pourrait tout naturellement mener à cette passerelle. Bon, j'avais découvert il y a quelques mois, à l'occasion d'une réunion publique dans le quartier des Coutures, un projet de centre logistique vertical porté par la société Europe Équipement sur ce site. Et ce projet, en venant constituer un mur continu prolongeant l'immeuble Novaxia à côté, rendrait, s'il se réalisait tel qu'il est dessiné aujourd'hui, totalement impossible la réalisation de cette passerelle. Je pense que cette passerelle, elle a un vrai intérêt métropolitain, elle a un vrai intérêt des deux côtés pour les gens qui traversent, mais elle est particulièrement intéressante pour les habitants de Bagnolet, qui aujourd'hui ne peuvent rejoindre Paris que par les portes de Bagnolet et de Montreuil, qui sont très routières. Existait plus au sud, ou existe encore, mais elle est fermée la plupart du temps, une passerelle totalement obsolète et qui est dans un état lamentable, et qui en plus était beaucoup plus au sud, qui est beaucoup plus au sud, vers la porte de Montreuil. Donc il nous semble, aujourd'hui, il y a une vraie politique au niveau global, tant régional que parisien, puisqu'il y a des actions prévues dans le contrat de plan État-Région. Il y a d'autres passerelles qui se sont réalisées récemment, par exemple la belle passerelle en bois qui est entre la porte d'Aubervilliers et la porte de la Villette, et qui ont fait l'objet de financements importants. D'abord, je crois, la ville de Paris en finance nécessairement une grosse partie, et puis d'accompagnement des autres collectivités. Du coup, je pense que là, on est vraiment au moment clé, parce que elle existe sur des plans parisiens depuis longtemps, cette passerelle, mais on est aujourd'hui au moment clé pour la rendre possible, d'autant plus que c'est cohérent avec les travaux en cours côté Piton du Vernois, ou en revanche, pour l'empêcher totalement, puisque l'immeuble Novaxia étant construit, si la parcelle ex-Saint-Maclou se construit en continuité totale, parce qu'il peut y avoir d'autres manières de l'organiser, cette passerelle deviendra à tout jamais impossible pour les habitantes et habitants de Bagnolet. Donc du coup, notre groupe proposait au conseil municipal de se prononcer en faveur de cette passerelle, demandait le maire pour reprendre les contacts avec la ville de Paris, parce que je sais qu'il y a eu un certain nombre de réunions en la matière, et de demander l'inscription d'un emplacement réservé au PLUI, afin que tout projet immobilier sur cette parcelle préserve les possibilités de réaliser cette passerelle. Cédric Pape. Anne de Rugy. Oui, merci. Donc, en tant que piétonne et cycliste, en tant qu'usagère des transports en commun, en tant que bagnoletaise qui travaille en dehors de Bagnolet et en dehors de Paris, et qui se promène parfois à Paris, je suis particulièrement sensible à la rupture urbaine qui constitue le périphérique parisien et à la difficulté de le franchir. Pourtant, je trouve ce vœu assez surprenant à plusieurs égards. La première chose, c'est que puisque nous avons tous participé à plusieurs concertations depuis le début de mandat, et lors de cette concertation, jamais cette parcelle n'a été évoquée. Je pense par exemple à la concertation sur le réaménagement à long terme de la porte de Bagnolet, avec des élus parisiens, avec des élus de Montreuil, Nous avons évidemment évoqué, plus qu'évoqué, puisque c'était central, le franchissement du périphérique. Nous avons évoqué la possibilité d'une nouvelle rue qui irait directement à Bagnolet et qui écourterait évidemment les transports, les traversées piétonnes et cyclistes. Même chose, j'ai regardé aussi sur la question du réaménagement Piton du Vernois, puisqu'effectivement c'est un quartier qu'on traverse assez souvent quand on va vers la porte de Bagnolet. Sur le site, comme sur les plans, je n'ai pas vu trace de cette parcelle. Et enfin, récemment, nous avons des échanges assez nourris avec les élus écologistes du 20e arrondissement et de Montreuil sur la porte de Montreuil, sur le réaménagement de la porte de Montreuil, j'y reviendrai. Et cette question de passerelle n'a pas été évoquée, ou n'a pas du tout apparu centrale. Et je dirais la construction d'une deuxième passerelle, puisque c'est bien là la question. C'est la deuxième chose que je trouve surprenante. Ça a été évoqué par Pierre Vionnet à l'oral, mais dans le vœu, ça n'y figure pas. Il y a déjà une passerelle réservée aux piétons et aux cyclistes qui part de la rue Lucien Lambeau dans le 20e, qui est à peu près une centaine de mètres de celle qui partirait donc de la rue Sarpollet, qui est actuellement ouverte, qui a été effectivement assez longtemps fermée par la ville de Paris, hein, elle ne nous appartient pas à Bagnolet, parce que j'imagine pour des questions de bifin, de sécurité et de trop-plein. Donc il est sûr que cette parcelle peut-être être sécurisée, élargie, évidemment c'est tout à fait favorable. Elle arrive à un endroit qui est plutôt, en termes de circulation urbaine, plutôt favorable, puisqu'elle est plus près du tramway de l'autre côté, Marine Miribel, et puis elle arrive à un arrêt de bus au bout de la rue Édouard Vaillant, donc elle est assez pratique, et j'ai constaté ce soir qu'elle est effectivement très utilisée par les cyclistes. Donc voilà, j'aimerais bien comprendre le lien que les Parisiens, puisqu'il s'agit d'une étude parisienne, de la pure, nous proposent une nouvelle passerelle. Est-ce que ça veut dire que l'autre est démontée? Un peu curieux quand même, est-ce qu'elle vient remplacer l'autre? Donc quel est le lien? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur les cheminements piétons, sur les cheminements vélos à cet endroit-là? Puisque, bon, d'instinct, on pourrait se dire qu'une passerelle, par exemple, qui permette d'aller plutôt de la zone du tramway de l'arrêt Séverine, passer directement à Bagnolet, là, il n'y en a pas, ça pourrait être utile. Donc voilà, j'ai un peu des interrogations sur ce trajet-là, particulièrement très très proche d'une autre parcelle. Et enfin, la troisième chose surprenante, c'est qu'il me semble aujourd'hui que l'urgence en termes de franchissement du périphérique, c'est l'aménagement de la porte de Montreuil et là aussi la sortie du nœud routier qui est aujourd'hui la porte de Montreuil. Alors, cet aménagement qui relève de la ville de Paris, hein, puisque c'est des terrains de la ville de Paris, la ville de Paris a décidé de céder le foncier à Nexity, qui projette donc de nombreux bâtiments, dont un pont, un bâtiment pont sur le périph, qui serait occupé par des bureaux. Donc, les écologistes, les associations écologistes, le groupe Bagnolet en commun, défend plutôt un projet alternatif, plus léger, avec un couloir de biodiversité. Et il me semble que là, c'est vraiment actuellement le sujet concernant le franchissement du périphérique sur ce trajet qui concerne l'entre-deux portes, qui concerne Bagnolet, entre la porte de Montreuil et la porte de Bagnolet. Et pour nous, c'est la priorité aujourd'hui, la végétalisation de cette porte, et le fait qu'effectivement, on limite le construit de bâtiments hauts. Merci. Merci Anne. D'autres remarques? Edith Félix. Oui, monsieur le maire, merci. Je pense que cette question, effectivement, est une question importante, une question d'aménagement et d'organisation des mobilités, et qu'il est important qu'on ait un débat apaisé. Cette passerelle, effectivement, est un ancien projet dont nous n'avons pas eu connaissance au moment où nous avons étudié le projet en cours sur la parcelle d'hôtel logistique. Donc mon propos n'est pas du tout de remettre en question cet hôtel logistique que nous avons vu et discuté. Validé aussi. Voilà. En revanche, le fait de pouvoir, de façon apaisée, travailler sur ces continuités qui sont complètement indispensables entre Paris et la banlieue, et sa banlieue, et Bagnolet, me paraît très important. Voilà, donc il y a effectivement, vous l'avez évoqué, des différents projets. Celui de la porte de Bagnolet qui est ambitieux et qui cherche à ménager une continuité verte entre le parc des Guillans et les squares parisiens de la ceinture parisienne, avec la rénovation du quartier piéton venu Vernois. Donc ça, c'est un axe effectivement qu'il convient de travailler en évitant, donc en parlant de continuité verte et non pas de front bâti le long du périphérique. Il y a tout un travail en cours aussi sur l'avenir du périphérique, avec une réflexion pour en faire un corridor vert planté, et donc avec un aspect paysager, un front d'arbres au premier plan, voilà, et donc les bâtiments un peu en recul. Donc là, bien sûr, les mobilités actives, donc vélo, piétons, sont des mobilités qui sont d'avenir, qui sont absolument à favoriser entre Paris et la banlieue. Il est inexact qu'il n'y ait pas eu de mention de ce projet. En fait, les Parisiens, les élus écologistes, mais aussi socialistes, sont attachés à ce projet de passerelle. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir ensemble à, effectivement, la redondance ou non, ou en tout cas, travailler, bien sûr, ces continuités de mobilité douce entre Paris et Bagnolet. On le disait aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes à avoir sur les transports en commun. Est-ce qu'ensemble a voté un vœu pour cesser la casse du service public des transports? Ça veut dire que les Parisiens, les Bagnoletais seront d'autant plus dépendants de transport piéton, vélo, et donc il faut vraiment vraiment mettre l'emphase sur ces passerelles, sur ces mobilités. Voilà, donc je suis en solidarité pour la majorité municipale, je ne peux pas voter ce vœu, mais je suis vraiment pour qu'on ouvre le débat sur les mobilités. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Amitchey? Oui. Moi, quand j'ai lu le vœu, lors de la réunion avec les élus de la majorité, j'en avais discuté un peu avec Cédric. Moi, à aucun moment, parce que j'ai été stupéfait quand j'ai lu ce vœu-là, à aucun moment lors de cette réunion, on m'a fait part de cette passerelle entre Paris et Bagnolet. Donc, car cette dernière passerelle là, qui appartient à Paris, soit au niveau de l'épice de Montreuil, puisqu'au vu de sa vétusté, peut être détruit à tout moment, ce que j'avais indiqué, au vu du projet de la couverture prochaine du périphérique. Donc, au vu du nombre d'élus qui ont voté pour l'implantation d'un centre logistique vertical porté par le promoteur Europe Équipement, là, avenue Gallini, pour moi, ça serait plus judicieux d'amender le vœu et de revoir avec la société Europe Équipement de laisser un accès piéton pour permettre la construction, apparemment, de ladite passerelle, puisque moi, je n'étais pas au courant, vu qu'il s'agit d'un ouvrage d'intérêt public pour la ville de Bagnolet et pour les Bagnoletais. Et si je me base à la lecture du vœu, là, concernant l'aspect financier, cette passerelle serait à moindre frais pour la ville de Bagnolet. Donc, si ça peut le faire, autant y aller. Moi, j'invite le service urbaniste de Paris, en fait, de se rapprocher du service urbaniste de Paris afin de connaître réellement la répartition des coûts. Car si cette passerelle sera amenée à exister et faire en sorte que Cédric puisse négocier avec la ville de Paris, s'ils prennent pratiquement 100% ou peut-être 90%, on verra bien, ça ferait aussi le bonheur des habitants des Coutures et du centre-sud pour relier directement Paris dans les années à venir. Donc, pour ma part, prendre du recul permet parfois de mieux analyser la situation et donc de prendre une meilleure décision. Voilà, donc pour moi, c'est pareil. Je préfère qu'on amende ce vœu-là, peut-être le revoir et en discuter. Donc, voter contre, si c'est vraiment véridique ou pas, maintenant, voilà, il faut se mettre en relation avec Paris. Et si c'est un bon projet, why not, hein, parce que celle qui se trouve à plus de Montreuil, elle est tellement vétuste, on ne sait pas si ça va être détruit. Donc, voilà, il faut se poser les bonnes questions. si ce n'est pas améliorer la vie des bagnoletais qui peuvent rejoindre Paris plus facilement que de faire tout le tour de la A3 ainsi de suite. Donc c'est une bonne chose pour ma part. Cédric. Oui, merci monsieur le maire. Donc déjà en réponse aux vœux écrits par l'opposition, je pense qu'il est important de rectifier une première phrase, peut-être un amendement, sur le fait que le maire n'a pas présenté un projet. C'est souvent une phrase qu'on entend du reste en urbanisme parce qu'on a voulu mettre en place tout un processus de transparence où je trouve qu'il est tout à fait normal que les promoteurs viennent présenter aux élus de la majorité, puis après en réunion publique, ce qui vous permet d'avoir de l'information et d'amender les projets. Mais le maire donne la possibilité aux promoteurs de présenter. Et ce n'est pas le maire qui présente un projet. Parce que là, pour le coup, on est bien, si je rappelle le contexte, hein, sur un domaine privé, avec un promoteur aujourd'hui qui détient le terrain et qui a déposé un permis de construire pour information pour tout le monde, suite à tout ce processus de transparence. Donc le 104 avenue Gallieni, ex-Saint-Maclou, aujourd'hui, appartient à un promoteur, un PC a été déposé, et juste pour information, parce que vous ne l'avez peut-être pas, mais après renseignement avec le service urbanisme de la mairie, la réponse aura lieu la semaine prochaine. Je rappelle que le débat public remonte à mai dernier. Donc si vous voulez, moi quand j'entends Pierre Vionnet, qui pourtant c'est son domaine d'expertise, parle de moments clés, je tombe de ma chaise, je vous ai connu plus fort, monsieur Vionnet, plus alerte, plus dynamique, mais en fait, ce n'est pas du tout un moment clé. Ce n'est pas à vous que je vais vous apprendre que sur un terrain privé, le promoteur qui a déposé un permis de construire, s'il suit le règlement du PLUI, vous êtes tout à fait d'accord avec moi que le projet va être accepté. Donc non, ce n'est plus le moment clé, en fait. Donc ce vœu, déjà, pour moi, il n'est ni fait ni à faire. Mais je pense que je vous apprends strictement rien, monsieur Vionnet, parce que vous êtes intelligent et que vous savez déjà tout ça. Et qu'effectivement, aujourd'hui, la semaine prochaine, donc je ne peux pas savoir aujourd'hui, parce qu'il y a le secret de l'instruction, s'il veut, va être, enfin, si le permis de construire va être accepté ou pas. Mais s'il l'est, c'était au mois de mai qu'il fallait réagir à la réunion publique. Alors, je ne sais pas si vous y étiez. Voilà. Alors, c'est intéressant pour ceux qui étaient. Je vois monsieur Onissi qui est là. Et qui confirme, parce que c'est déjà ce que je vais dire, j'en ai fait des réunions publiques. Là, j'ai vu un promoteur se faire applaudir. Voilà, donc là, j'invente rien. Alors, ce n'est pas filmé comme le conseil municipal, mais le promoteur s'est fait applaudir. C'est quand même assez rare pour le souligner. Donc, pourquoi il s'est fait applaudir? Parce que vous avez le même promoteur qui vous dit bah, « Je vais retrocéder une partie de la parcelle à la ville pour en faire un jardin public, un poumon vert. Et je le fais à ma charge. » C'est plutôt une très bonne nouvelle, hein. On est d'accord. Donc, si vous voulez, là, il n'y a pas de politique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on serait complètement fou d'aller contre ce projet-là. Maintenant, après, tu as tout à fait raison. De façon tout à fait apaisée, on peut effectivement réfléchir à mieux fluidifier tous ces flux entre Paris et Bagnolet. Mais si vous voulez mon avis profond, on a plus quand même à se retrouver sur la transformation de la porte de Bagnolet et sur la transformation de la porte de Montreuil, parce que là, c'est le moment clé. Là, c'est un véritable moment clé, notamment à Montreuil, pour aller aider notamment nos élus du territoire, hein, M. Bessac, M. Le Shaker, qui aujourd'hui sont quand même bien bloqué quand même sur cette porte de Montreuil. Et la porte de Montreuil qui prend du retard, c'est la porte de Bagnolet qui prend du retard. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'enjeux à défendre la transformation de la porte de Bagnolet que de créer une passerelle. Ça, c'est mon avis. Et je pense qu'il est partagé par de nombreux élus ici. Donc, il faut surmonter cette rupture territoriale. Là, je vous rejoins. Et je te rejoins parce que je pense que c'est ce que tu voulais dire. Créé par le périphérique et la porte de Bagnolet dans les années 70, donc nous ne sommes pas du tout responsables, et puis c'était notre époque, un autre contexte. Je ne vais pas vous le rappeler, Anne Hidalgo, c'est ce qu'elle porte comme projet, avec la volonté d'adoucir le périphérique et d'en faire quelque chose de plus vert, de plus calme. Bagnolet, aujourd'hui, vous m'avez souvent entendu en parler, monsieur le maire aussi, on porte ce combat, parce que c'est loin d'être gagné, de vouloir enterrer soit de façon totale, soit de façon partielle, la porte de Bagnolet, je pense qu'on peut compter sur votre soutien là-dessus. En tout cas, j'ai celui de M. Le Schaecker. Et ça me paraît beaucoup plus ambitieux que la passerelle. Enfin, la passerelle, parce que Mme de Rugy a tout à fait raison, tu as tout résumé tout à l'heure. En fait, vous avez une deuxième erreur, M. Vionnet. Vraiment, ça ne vous ressemble pas. Vous avez confondu la pure et la ZAC. Bon, en fait, vous n'avez pas fait d'erreur, vous le savez très bien. Je vous taquine. Mais il ne faut pas confondre la pure et la ZAC. Aujourd'hui, moi, j'étais un peu surpris, j'étais relire l'intervention sur la ZAC. Elle est disponible, c'est sur Internet. Vous tapez ZAC Dupont. Excusez-moi, j'ai un peu modifié le nom. Mais la passerelle n'est pas évoquée. Anne a tout à fait raison. La passerelle n'est pas évoquée. Donc, en fait, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de passerelle. Par contre, il y a un énorme combat à mener sur la transformation de la porte de Bagnolet et aussi sur la porte de Montreuil, parce que je pense que la pollution à la porte de Montreuil ou à la porte de Bagnolet, c'est la même chose. Et j'espère qu'on pourra avoir votre soutien là-dessus. Maintenant, afin, je finirai là-dessus, si vous voulez. Après, ce projet-là, bon, vous ne l'avez pas trop critiqué, et vous avez raison, parce que si vous voulez, à un moment, il y a quand même un principe de réalité qui nous rattrape. On ne peut pas critiquer la hausse de la fiscalité. On ne peut pas critiquer le recours à l'emprunt. Et on ne peut pas critiquer non plus les projets qui sont générateurs de recettes, parce qu'à la fin, que reste-t-il dans le budget? Donc à un moment, il faut quand même choisir son camp. Et je pense que c'est une bonne nouvelle qu'un promoteur arrive avec plusieurs centaines d'emplois à la clé sur un tel projet à cet endroit-là. Merci Cédric. D'autres interventions, si je peux, Monsieur Vionnet. Si je peux redire un mot, bon, je ne répondrai pas à ce que vient de dire M. Pape, parce que moi, ce n'était pas du tout l'intention de ce vœu. Je pense que le sujet est sérieux et ce n'est pas un petit sujet à essayer de faire l'intéressant ou de raconter je ne sais pas quoi. Donc, bon, je préfère oublier aussitôt entendu. Effectivement, moi, j'ai proposé ce vœu parce qu'il me semble que c'est un sujet un peu fondamental. Et par rapport à ce que disait Mme de Rugy, je pense qu'à un moment donné, dans la situation de coupure territoriale où on est, la question, ce n'est pas de choisir et de dire, oh ben tiens, faut peut-être mieux faire la porte de Bagnolet qu'une passerelle. Je veux dire, la passerelle que j'évoquais, qui est entre la porte d'Aubervilliers et la porte de la Villette, elle n'a pas empêché un réaménagement préalable de la porte d'Aubervilliers, et elle n'empêchera, j'espère, pour les Alberti-Villariens et les Pantinois, pas un jour un réaménagement de la porte de la Villette. On n'est pas dans des sujets, et d'ailleurs je crois que, y compris sur ce sujet précis, c'est ce qu'a dit le président de la commission urbanisme du Conseil de Paris, on n'est pas dans un sujet où il s'agit de choisir. Évidemment, il faut résoudre, et c'est un sujet très ancien, la coupure de la porte de Montreuil. Évidemment, et malheureusement, ça va mettre un paquet de décennies, il faut travailler sur la porte de Bagnolet, mais ça n'empêche pas, entre les deux, puisqu'on est à peu près à mi-chemin entre les deux, de réaliser une passerelle qui permet des perméabilités. D'ailleurs, je pense que M. Di Martino, vous connaissez le dossier bien aussi bien que moi, voire mieux. Vous savez Merci. Très bien que sur les mêmes plans, vous savez aussi bien que moi, que sur les mêmes plans de prospective faits par l'atelier parisien d'urbanisme, figurent des principes de réaménagement de la porte de Bagnolet, des principes de réaménagement de la porte de Montreuil et cette passerelle. Ce n'est pas l'un contre l'autre, l'un ou l'autre, etc. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la coupure, elle est telle, quand même, franchement, le linéaire qu'on a entre les deux portes par rapport à d'autres villes où il y a beaucoup plus de porosité, je pense que sérieusement, et là, pour le coup, on devrait tous se retrouver majorité comme opposition, que sérieusement, il y a besoin des deux. Et qu'en plus, en termes de financement et de délai, une passerelle, malheureusement pour l'autre sujet, c'est plus rapide et moins cher à faire qu'un enterrement d'infrastructure. Donc ça peut aussi être un déroulé dans le temps. Et si ça ne figure pas sur les plans de ZAC de Piton du Vernois, mais c'est parce que ce n'est pas dans le périmètre de la ZAC. Il y a une zone d'aménagement concernée, Piton du Vernois, qui s'arrête au droit du périphérique, donc elle ne va pas dessiner des choses. Elle ne va pas dessiner des choses qui non, sont... Monsieur Vionnet. Elle ne va pas dessiner... Je ne vous ai pas interrompu. Je sais, pourtant, je sais. Vous avez été... Et pourtant, vous avez été fort long, fort désagréable. Comme je n'ai rien dit. Et donc, si vous me laissez finir... Mais par contre, vous avez tort sur ce point. Si vous me laissez finir, donc évidemment... Je vous laisse finir avec joie. Mais en même temps, l'aménagement qui est fait, y compris des choses faites il y a 30 ans, il y a un hôtel industriel qui existe le long du périphérique, qu'on peut tous voir en ce moment, parce qu'il est en cours de réhabilitation. Il a été implanté sur la moitié de sa parcelle, il y a 30 ans. Il est fait par Philippe Madec. Il a été implanté sur la moitié de sa parcelle. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce que déjà il y a 30 ans, les services de la ville de Paris ont contraint cette implantation pour laisser la possibilité d'une passerelle. Donc voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, et il y aurait à dire sur le projet de centre logistique, qui d'ailleurs... J'étais à cette réunion publique. Hein. Et d'ailleurs, lors de cette réunion publique, j'ai posé cette question. Et je me souviens très bien, et je pense qu'il s'en souvient tout aussi bien que moi. Que vous avez dit que M. Pellat est quelqu'un de formidable. Que M. Di Martino. Que M. Pellat avait beaucoup de talent. Que Mais vous étiez là, vous êtes intervenu. Et vous m'avez répondu que je défendais la passerelle de Mme Hidalgo. Mme Calandra. De Mme Hidalgo. De Mme Calandra. Rendons à César ce qui est à César. Et bon, je pense que vous savez bien que je connais un petit peu ce dossier, et vous savez, et je crois savoir que vous avez eu l'occasion d'en parler à une période qui n'est pas ancienne, avec Madame Hidalgo. Bon, et avec donc, M. Emmanuel Grégoire, il y a un mois et demi. Donc, du coup, moi, vraiment, je n'ai pas fait ça dans un but polémique ou que ce soit, et je pense que je ne l'ai absolument pas présenté de cette manière-là. Je le fais parce qu'il me semble que c'est un sujet qui, comme l'a dit Edith Félix, mérite qu'on le pose tranquillement et que ce n'est pas nécessairement le lieu de l'affrontement politique, hein, et qu'il y a des enjeux suffisamment forts pour Bagnolet. Effectivement, à la porte de Montreuil, à la porte de Bagnolet, mais aussi dans cette liaison entre les deux, pour que ça mérite, et moi c'était surtout ce but-là, ça mérite qu'on ouvre un peu ce débat entre nous et qu'effectivement, je pense, et à la limite, si vous voulez faire un projet de centre logistique avec M. Pellat, très bien. Mais le plan d'organisation, la parcelle est grande. Il y a eu dans le passé des projets immobiliers qui réservaient la possibilité d'une allée piétonne conduisant à cette parcelle. Il n'y a rien de construit. Comme il nous a été dit, le permis de construire est certes avancé, mais il n'est pas encore délivré. Je pense qu'on est tout à fait dans un moment où il peut y avoir une discussion avec le promoteur pour ne pas priver... Il y a le secret d'instruction, monsieur Vionnet. Ça vous échappe pas, ça, quand même. Je coupe encore. Continuez votre numéro. C'est fatigant. Non, mais c'est pas mieux, monsieur Vionnet. C'est quand même vous avez du mépris. J'étais vous avez du mépris par rapport dire, à mes réponses. Mais sincèrement, il y a un secret, il y a de la confidentialité. J'étais en train de vous dire, de manière, me semble-t-il, tout à fait constructive. Et moi aussi, que comme il n'y a encore, je vous rappelle simplement des règles d'urbanisme de base. Comme il n'y a encore rien de construit, que le permis, de toute façon, est en cours d'instruction. N'est heureusement pas encore délivré. Oui, mais on est encore dans un moment où il peut y avoir un dialogue. Non. Entre la collectivité et, non, et le promoteur. Là, vous êtes écouté. Parce qu'une fois, si vous voulez, une fois, là, c'est vous qui faites un numéro. Une fois que ce bâtiment est construit après celui de Novaxia, il n'y a plus aucune possibilité physique de faire une passerelle intermédiaire entre les deux portes. Et bien, venez combattre pour les portes. Un certain nombre d'élus parisiens. Rejoignez les communistes de Montreuil. Cédric. Ah non, j'ai répondu. Je pense que M. Vionnet connaît très bien les règles d'urbanisme. Je ne vais pas lui réapprendre. Vous avez un certain mépris pour mes réponses. Vous me balayez d'un revers de la main, dont acte. Moi, je prends du temps à vous répondre. Il n'y a pas de souci. Je vous regarde droit dans les yeux. J'ai ce respect-là. Mais en tout cas, il y a un PC qui est en cours d'instruction. Et par contre, il est quand même de mon devoir de vous stopper à un moment. Vous savez très bien... Et je pense que beaucoup d'élus le savent, si ce n'est pas tous les élus, que quand un PC est déposé, on ne peut pas discuter avec le promoteur à ce moment-là. Vous le savez, vous dites l'inverse en conseil municipal, c'est plutôt vous qui vous faites plaisir que moi. Anne. Je voudrais juste indiquer que s'il y a possibilité, si la ville de Paris veut construire une passerelle, pourquoi ne pas reconstruire, renforcer la passerelle existante ? Et, bon, pour ce qui est du président de la commission urbanisme de Paris, je le connais bien, je l'ai eu au téléphone jusqu'avant, et il n'habite pas le 20e arrondissement et il ne savait pas qu'il y avait une deuxième passerelle. Je lui ai appris. Et quant à la passerelle, cet après-midi, c'est pas un sujet nouveau, on en parlait déjà le mandat dernier. Donc si vous voulez, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Ça, c'est par rapport à ce que j'ai pu entendre. Enfin, moi, au précédent mandat, on en parlait, et vous-même, vous le dites vous-même. Vous en parliez certainement quand vous étiez en activité ici à l'administration. C'est un vieux serpent de mer, en fait. Ami Tchaya. Non, je voulais, parce que Anne vient de la répondre à mes questions, parce qu'apparemment elle connaît la personne d'urbanisme, ou je ne sais pas, au niveau de la passerelle. Voilà, moi je voulais savoir par rapport à Cédric, autant se renseigner au service urbaniste de Paris pour voir réellement si cette passerelle existe ou pas. Parce que moi, c'est vrai que je suis pas, quand j'ai lu ça, peu importe, hein, moi j'y connais rien au niveau du service urbanisme, ce n'est pas mon domaine. Bon, M. Venet apparemment maîtrise mieux que moi ces sujets-là, mais je voulais juste comprendre si vraiment elle existe ou elle est amenée à exister, au moins voir avec Paris. Et avoir une confirmation, si c'est oui ou non. Et comme ça, voilà. C'est vrai que j'ai demandé, moi, à amender pour savoir si vraiment on a des éléments de réponse. Tout simplement. Comme ça, au moins, c'est plus simple pour tout le monde. Je pense que M. Voilà. Vionnet est beaucoup plus fort que nous tous en urbanisme. Ça, c'est sûr, net et certain. C'est son métier. C'est pas le nôtre. C'est son métier. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est un compliment. Vous êtes expert dans votre domaine. Maintenant, pour répondre à ta question, non. Et c'est ce que vient de dire Anne plusieurs fois lors de son intervention. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Ça n'existe pas. Voilà, donc c'est un vieux serpent de mer, oui. C'est un sujet qui a été maintes fois évoqué, et là, pour le coup, M. Vionnet et M. le maire ont raison, c'est un vieux débat. On en parlait déjà au mandat précédent. Ouais. C'est pour ça que ça n'a pas été évoqué, parce que, alors, pour être honnête, c'est tellement, on en parle tellement peu, ou pas du tout, que, si tu veux, au service urbanisme, on n'y pensait même plus. Quand j'ai appelé le service urbanisme cet après-midi pour... prendre quand même quelques renseignements pour préparer ce conseil municipal, les responsables ont explosé de rire en disant « Ah non, pas celle-là, vous n'avez pas le droit à refaire. » Je fais « Bah si, voilà. » Et ça, ce sont les techniciens, ce ne sont pas les élus. Donc pour répondre à ta question de façon claire, non, il n'y a pas aujourd'hui dans la ZAC, Piton du Vernois, j'ai bien dit son nom, aujourd'hui de passerelle programmée, et Anne Durugy a tout à fait raison. Donc, on va passer au voix qui est pour ce vœu, qui est contre, qui s'abstient. Le vœu est rejeté. Je vous remercie. Bonne soirée. Rendez-vous le mois prochain.